Oh, et c'est fini pour ce soir, encore une belle émission là qu'on a passée avec vous. Je vous invite à aller, je sais pas si Mickaël t'as vu ça. Mickaël, t'es là? Oui, non, je voulais laisser un peu en galère, mais en fait non. Bah, écoute, c'est pas grave. Hein. Non, mais on a posté une photo du Doc. Mais bien sûr. Attends, comme mais il est beau gosse. Bah oui, attends, et musculaire et tout, hein, bodybuilding, et tout, la grande classe. Hein. Vous pouvez pas rivaliser avec. Ah bah non, mais non là, mais dès que j'ai vu ça, déjà dès le début, tu vois, je savais que je pouvais pas rivaliser, mais là. Je me sens pas bien là. Ah là, je peux pas. Hein. Alors c'est à dire qu'Arima, j'ai jamais vu comme ça, elle est toute excitée quoi. Bah tu m'étonnes. C'est là qu'elle s'imagine le Doc à l'époque. Ah bah moi c'est le Docteur Mamour là, j'ai le Docteur Mamour face à moi. Voilà. Exactement. Combien d'heures de musculation par jour, Doc, pour arriver à ce résultat incroyable? 5-6 au moins. 5-6 heures de musculation par jour. Je dis ça en me regardant en plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça laisse rêveur en tout cas. Hein. Bah, quand est-ce que tu t'y mets, Karel? Bah écoute, moi j'ai commencé, mais il y a longtemps en fait. Ça craque un peu. Mais je sais pas, je dois pas avoir les mêmes prédispositions que Doc. Ça doit sûrement être ça. Bah, oui. Mais je vois Polo faire un petit peu de muscu de temps en temps aussi. Bien avec sûr. Toff. Voilà, surtout Toff. Ah bah, de la musculation là. Je suis le muscle même. C'est une le bouteille muscle. De Perrier alors, du seul. Alors on veut la même photo que le Doc. Pas de problème. Si c'est possible. Pas de problème. Pendant l'émission, vous prenez la photo. On va s'arranger, on mettra torse nu Toff et puis on va voir s'il a la même gueule que le Doc. Exactement. Eh ben écoute, avec grand plaisir, on fera des petits photomontages. On fait ça. Bon ben on vous retrouve demain dès 20h. Voilà, exactement. On sera là, ouais. Parfait. Bon, allez, bonne nuit. Bonne émission, bisous et à demain. Et puis nous on est parti jusqu'à 2h du mat. Quand elle le suce, on comprend pourquoi elle aime ça. Mickaël, no limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon bah j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, surtout pour ceux qui sont en vacances, car oui, il y en a qui sont déjà en vacances. Venez nous raconter ce que vous avez fait aujourd'hui, est-ce que vous êtes emmerdé, est-ce que vous avez passé une bonne journée, est-ce que vous avez pu profiter de l'été indien, puisque ça y est, on appelle ça comme ça maintenant, hein, l'été indien, comme il a fait 23 degrés aujourd'hui à Paris. Donc voilà, dites-nous un peu comment ça s'est passé chez vous. On va reparler de l'été, j'ai l'impression que l'année est déjà finie. Bon, pour les nouveaux et puis surtout les nouvelles, alors je me présente, moi c'est Mickaël. Oh, quel beau gosse. L, bien sûr. Et puis je suis avec vous du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et puis dimanche évidemment on sera de retour dès 20h. Et cette fois en direct de Nancy. Ce sera dimanche soir puisque les Lorrains ont gagné. Je vous avais demandé la semaine dernière de venir nous donner votre avis. Dans quelle ville on devait démarrer notre tour de France et de Belgique d'ailleurs, pour faire l'émission en direct de chez vous. Et c'est Nancy qui a gagné. On est plutôt content puisqu'à Nancy il y a quand même beaucoup de jolies filles apparemment. En tout cas la dernière fois que j'ai été, je me suis retourné sur certaines filles avec un physique pas facile, en me disant bah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors que toutes les autres étaient méga bonasses. Donc tu vois, ça devait être des étrangères ou alors la famille de Toff, je sais pas, peut-être qu'ils se baladaient, je ne sais pas du tout. En tout cas, on sera à Nancy dimanche soir à partir de 20h. Donc pour venir délire à l'antenne avec nous, eh ben n'hésitez pas, vous vous jetez sur votre téléphone dès maintenant, hein, 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard de Fun avec Sandro qui décroche. Et le 02 851 4x0 fonctionne également pour la Belgique. On vous attend comme Xavier qui est avec nous déjà maintenant là. Salut Xav, comment ça va? Salut l'équipe, comment ça va? Salut. En forme? Ah ben ouais, complet. Bon, comment s'est passée cette magnifique première journée de Pycole? Ah, c'était génial. Très bien. Attends, on salue notre grand patron Jérôme qui est passé nous voir. Quel talent. Voilà, donc là pour l'instant on avait tout fait dans les règles, on peut faire n'importe quoi, c'est bon. Allez hop, ça y est. Ah, bah on va aller mieux là, non? On est mieux sans la direction là. On est quand même vachement mieux. Qu'est-ce qu'il faisait la merde? Voilà, non mais je sais pas, j'ai eu peur, j'avais des gouttes qui coulaient là sur le front. Putain, sortez les armes. Tu vois, tu sais, Xavier, c'est un peu comme quand t'es en classe, tu fais n'importe quoi, puis t'as le directeur qui arrive, il s'installe. Tu dis merde. Putain, on vient de commencer la journée et il va nous casser les couilles là pendant 2 heures. Bah non, ça va, ouf. C'est bon, il n'est resté que 3 minutes. C'est bon, on est content. Ah bah on est plutôt content, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Attention, moi je m'en fous, j'ai pas peur du boss. Hein. Voilà, belle. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bonsoir Jérôme, au revoir. Et je viens vraiment de passer loin. Tout s'est bien passé, il n'y a pas de problème. Bon, Xavier, de quoi on va parler? J'ai chaud tout d'un coup là. Oh là là, qu'on mette la clim. On climatise le studio là. Climatise le studio. Il faut climatiser là. Oh là là, je suis en train de crever de chaud là. Oh, ça va puer ce soir, on va être bien, ça va puer dans le studio. Vous avez de la chance d'être chez vous. Donc je disais, Xavier, qu'est-ce que tu as fait de cette première journée de vacances? Franchement, j'ai dormi, j'ai mangé et puis j'ai redormi. Ben, c'est bien, c'est pas mal. Tu vois, c'est un petit peu à ça que ça sert aussi les vacances. Hein. Bon, Xavier, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Bah on va parler, moi c'était 5 ans en internat et j'aimerais bien parler des conneries qu'on m'a faites et surtout que j'ai fait. Ah bah t'inquiète pas, à mon avis il y a de quoi dire hein, en termes d'internat. Bon, moi j'ai pas fait internat. Moi non plus. Toff non plus, n'a pas fait internat. Non, j'ai pas fait internat mais j'ai fait. Écoute, on l'a compris. Non, je faisais les, tu sais, genre les stages de langue pour essayer pour les professionnels. Oui, des langues, c'était pour savoir comment la tourner, dans quel sens. Enfin bref, est-ce qu'il fallait mettre beaucoup, pas beaucoup de salive. Et donc du coup c'était dans des internats. D'accord. Genre tu vois l'été. Oui, pas, oui. L'année. D'accord. Bon bah du coup venez nous dire si vous avez déjà fait l'internat, comment ça s'est passé, vous avez kiffé, pas kiffé. Et puis Sandro, apparemment des petits problèmes de mail. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je me fais pirater ma boîte mail. Ah bah oui, est-ce que j'ai reçu un message? Ah je vous aime tous. Lui, ça y est, encore fumé là. Il a encore fumé un truc là, il a dû se passer quelque chose. Je sais qui c'est, donc si vous avez des plans pour vous venger, dites-nous. Ah bah je connais quelqu'un moi. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Voilà, oh, j'adore. C'était dans le canular d'hier soir quand on a appelé un mec pour lui faire croire qu'on avait buté un autre mec. Et ça s'est quand même bien passé au final hein. Ouais. Comme quoi finalement mal, ouais. Et si vous voulez refaire un canular d'ailleurs, hein, d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, vous nous appelez 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Bon, Toff va bien également. Et Toff ne se fait plus insulter qu'au téléphone maintenant, attention hein. Oui, je me suis fait agresser dans la rue. Exactement, ouais. Oui. Ton cul, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Ah non, celui-là, il était soft à côté du mec. Hein. Ah bon. Ouais, c'est un mec qui m'a coupé la route en scooter et genre la route, elle était à lui. Donc du coup, je lui fais la remarque, je klaxonne parce que je failli le buter quand même. Ouais. Et le mec il m'a insulté, limite il venait taper sur la voiture. Mais je l'ai écrasé. Bah, j'y ai réfléchi, mais il y avait quand même beaucoup de témoins. Ah merde, oui, d'accord, ok, oui. Bon, ça arrive. En même temps, il a peut-être vu ta tête, il a peut-être eu peur, je ne sais pas. Ouais, c'est peut-être ça qui a fait que. Non, il n'avait pas peur. Hein. Non, il n'avait pas peur. Je crois qu'il était prêt à venir me chercher dans la voiture. Hein. Je suis content qu'il y ait un verrouillage. Bon, et puis Polo est un peu fatigué également. Il a joué beaucoup de pipeau hier soir à sa nouvelle femme. Cécile, hein, qui est une auditrice qui est passée nous voir, une petite blonde, les yeux bleus, bref, Polo n'en a pas dormi. Il n'en a pas dormi. La vraie question, c'est surtout comment est-ce qu'il est rentré? En métro. Bah, comment tu veux qu'il rentre? Non, parce que d'habitude, il faut toujours le déposer, et là, ce jour-là, il fallait pas. Ah ouais, non, là, non, t'as rien. Ouais, mais j'ai ma Porsche qui est garée derrière, je te ramène à ta Twingo si tu veux. Je suis un beau gosse. Moi, j'ai ma Porsche derrière, elle est noire, elle est belle et tout, mais elle est garée, tu vois. Tu vois, parce que je suis un beau gosse, le deuxième, mais voilà, je suis là, quoi. Bon, et on n'oubliera pas également les Twitter addicts ce soir. Hein. Si vous avez envie de tweeter, n'hésitez pas. Hein. Vous tweetez ce que vous voulez pour essayer dans le top tweetos de l'émission. Ce sera un petit peu avant la fin de l'émission. Il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag Emickaël. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 des plus actifs. Voilà, donc si vous êtes le meilleur auditeur, eh bien vous serez récompensé. Vous serez dans le top 5 des top tweetos. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Soyez au taquet pour commenter l'émission. Dès maintenant, un maximum de messages avec le hashtag Emickaël. Et puis on va s'écouter du son. Tiens, il y a un son que tu kiffes, Xavier, en particulier. Ou pas là actuellement? Le mix de Beckermat. Le mix de Beckermat, c'est pas le mix, c'est pareil. Ah oui, non mais d'accord, ok, non mais toi tu me dis le mix, mais en fait c'est pas le mix, c'est le son, c'est Van Dyke avec Beckermat, quoi, d'accord, ok. Bon, on se le mettra tout à l'heure si tu veux, celui-là hein, avec le saxo là. Parfait, bon, on va se le mettre tout à l'heure, pas de problème. Alors je propose également le son de Pitbull et Kesha, tiens. C'est l'auditrice qui m'a demandé ça hier, j'ai pas eu le temps. Alors je n'ai qu'une parole, je t'avais dit je le mettrais ce soir, je le mets. J'espère que toi t'écoutes. Hein. Voilà, Pitbull et Kesha, on mettra tout à l'heure. Et alors attention, la grande question évidemment de la soirée, il y aura Britney Spears et Work Bitch. Mais, est-ce que vous voulez le Britney Spears featuring Mickaël avec Work Bitch Motherfucker? Ah oui, ah bah oui, évidemment. Bah voilà, c'est la question que je me posais. Donc allez-y, dites-nous, hashtag Mickaël, est-ce que vous souhaitez entendre la version remix de Britney Spears par moi-même en direct, la Work Bitch Motherfucker? Ok, qu'est-ce que t'en penses, Xavier? T'as déjà entendu la version du remix ou pas? Non, jamais. Ah bah ce sera peut-être l'occasion alors, effectivement. Ah bah. Bon bah si vous voulez l'entendre, hein, hashtag Mickaël sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas. Et sur SMS également, vous envoyez Mickaël au 64 900 ou au 30 44 pour la Belgique. Et puis on aura des cadeaux aussi, pas mal de cadeaux ce soir avec des Xbox 360 avec le jeu Halo 4 et le jeu Halo 4 et le jeu alors il y avait Halo 4 et Tomb Raider. Comment je peux oublier Tomb Raider? Bon, et Tomb Raider. Et puis on aura aussi des places pour venir avec nous à la Paris Games Week qui aura lieu le 29 octobre. On sera en direct de là-bas, vous allez pouvoir venir avec nous. Et puis on aura aussi des places pour le parc Astérix Peur sur le parc. 4 places qu'on aura l'occasion de vous offrir tout à l'heure. C'est aussi simple que ça. On jouera également au Chéri, je peux te faire cocu ce soir. Et puis on accueille Frédéric qui est avec nous maintenant. Bonsoir, ouais, salut. Fred, salut, comment ça va? Salut. Tranquille, ça va. Bon Fred, t'as déjà entendu la version de Britney Spears? Non, mais on va bien l'entendre. Ah bah écoute, ce sera peut-être dans quelques minutes. Hein. Bah, on verra si les auditeurs veulent entendre la version Work Bitch Motherfucker. Bon, Fred, alors bienvenue à toi. Tu nous appelles de Lyon et on va se faire la colle. Tu vas peut-être donc repartir avec la Xbox 360, ainsi que le jeu Halo 4, ainsi que le jeu Tomb Raider. Ah bah on verra bien hein. Voilà, pour ça tu vas nous poser la colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien cette personne gagne et toi tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Fred. Ah bah ce que j'espère. Ah bah je te le confirme. Bon alors vas-y Fred, on t'écoute. Alors qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Des couilles. Du jambon. Des couilles. Du jambon, non c'est pas ça. Toi fais une proposition. La mer. La mer, ah non. Ouais la mer, ouais non. Du tout. Non, bon ben si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, vous envoyez simplement MIKL espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Vous pouvez aussi d'ailleurs lire la colle dès maintenant et y participer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Fred, on te reprend d'ici un petit quart d'heure pour faire une nouvelle session call. Ok, y a pas de soucis. D'accord. Et on donnera la réponse tout à l'heure avant 12h30. Donc bah ne bouge pas. Et tout à l'heure, Fred. Ah bah je suis ouvert. Et bon, j'imagine bien, Fred. Très très bien. Bon, alors plein de messages qui arrivent aussi. Là, il y a Poupette qui dit alors pour le mix, moi je suis pour le mix de Mickaël. Il y a Henri qui dit chaud pour le Work Beach Motherfucker. Antonin qui attend le remix avec impatience. Mathias qui veut le set de DJ Mimich. Il y a Anto qui dit fais péter le remix, s'il te plaît. Cécile également qui dit Polo, moi aussi je m'appelle Cécile. Non mais attends, je suis pas amoureux de toutes les Cécile. Ah non, juste d'une seule. Oui. Il fait Arnaud qui dit cœur. Oui, Arnaud qui dit le 974 vous dit salut. Attends, salut tout des moon. Salut tout le monde évidemment en créole. Ah, je sais pas si je l'ai bien dit en tout cas. Ben merci à vous d'écouter, ça fait plaisir. Cell 23 qui dit ouais, le remix, il est trop trop bien. Il y a Cell 23 encore qui dit après une mauvaise journée, une bonne soirée avec Mickaël. Merci Cell. Et Kawet qui dit si Sandro s'est fait pirater, j'écris où pour savoir quand est-ce que je peux venir. Non non, mais tu peux le faire, c'est juste qu'elle a laissé sa session ouverte sur un ordinateur et il y a un mec de la radio qui a chopé le mail, il a fait n'importe quoi. C'est Victor, je balance. Ah bah c'est Victor, bah voilà. Mais on connaît l'agresseur. Et l'agresseur. Et Cédric qui dit vous êtes trop drôle dès le début, énorme, je vous adore, j'ai jamais fait l'internat. Bon, on va parler justement de l'internat dans quelques minutes. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'on appellera aussi tout à l'heure des auditeurs, enfin des auditeurs non, mais des gens au hasard pour leur poser des questions. Ah, t'as été coupé mon con. Ah bah oui, t'as été coupé mon con. Espèce d'enculé, va. Voilà, on va refaire un petit tour du côté des meilleurs appels. Tu veux quoi? Je te crache sur la tête avec tes cheveux de rouquin de merde. Voilà, bah c'est même pas des meilleurs appels, c'est qu'on va en appeler, on espère pouvoir faire des bons appels. Mais écoute-moi, je vais te mettre la fessée à toi et tes enfants. Eh oui, voilà, donc autant vous dire que c'était au taquet. Oh le connard qui sait, avec la paire de couilles que j'ai, je vais te la poser sur le front. Au pédé que tu... Voilà, donc très gentil, hein, les gens super accueillants, et dès qu'on les appelle, toujours, on est vraiment bien et enfin c'est génial hein, c'est... Non mais ça me fait toujours plaisir de les bien sûr qui sont chaleureux et voilà. Aimables. Et si tu connais personne toi Xavier éventuellement qui est encore debout à cette heure-ci qu'on pourra appeler pour un petit sondage, je sais pas encore quel sondage mais on va trouver d'ici là. Non. Non, bon bah si jamais vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à vous appeler, vous envoyer un message à Tof sur son mail toph@funradio.fr avec des numéros de téléphone et puis on sera un plaisir de les appeler ce soir ou demain si jamais ce soir c'est full. Dès qu'on trouve une idée de sondage, on va trouver, je vais chercher pendant la pub, on va trouver quelque chose. Bon Xavier, alors toi tu voulais nous parler de l'internat, c'est bien ça hein? Ouais c'est ça. Bon alors l'internat, tu voulais nous en parler, donc toi tu as fait l'internat, ça que tu m'as dit? Ouais, 5 ans. 5 ans. Alors, quelle est la plus, on en parlera plus en détail, mais la plus grosse connerie là, que t'es pu faire à l'internat? Ah, la plus grosse connerie? Oh, sinon, bah, là, ça va être dur à trouver, hein. Ah, bah, réfléchis. Ouais, une des pires, quoi. Bon, et une connerie que t'as faite qui t'a fait marrer, où t'as eu chaud, mais avec le recul, tu t'en marres? Mettre du poil à gratter dans le matelas du pion. Ah, ça c'est bon. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on peut faire mieux, bah, il y a Mickaël justement, avec un prénom comme ça, il en a dû faire des conneries. Salut Mickaël. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Toujours présent. De quoi Mickaël? Toujours présent, juste. Ah bah, bah j'espère bien. Mais à mon avis, ta voix va pas rester présente très longtemps. Il est sur les toilettes là, il pousse. Ouais. T'es aux toilettes là, Mickaël? Ah quoi? T'es en train de chier? Est-ce que t'es aux toilettes? Ah non, j'ai juste la voix un peu cassée. Ah d'accord, ok. Bah écoute, moi aussi, depuis 3 semaines, j'arrive pas à me débarrasser de ce truc. Mais bon, écoute, on verra bien, hein, Mickaël. Bon, tu vas parler d'internat dans quelques minutes également. Toi aussi, t'en as fait des conneries? Oh ouais, plein. Bon, ne bouge pas de là. On va revenir avec toi dans quelques minutes. Et puis, on va s'écouter Ellie Goulding ici avec Burn. Est-ce que t'as Twitter, Mickaël et Xavier là? Vous avez Twitter ou pas? Ouais, oui. Ah, est-ce que vous êtes sur le Twitter de l'émission là, Mickaël_officiel? Non, pas encore. Non, mais vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? C'est honteux. J'arrête Ellie Goulding. Voilà. Et... Je vous mets une... Alors toi, c'est pour toi, Xavier, un coup de pelle dans la gueule. Oh. Et toi, Mickaël, une grosse claque. Oh non. Ah si, ah, si. Bon, ah, si. Alors, allez m'ajouter, moi je vous follow aussi. Non mais c'est dingue ça quand même là. Donc, Mickaël underscore officiel, c'est la petite barre vers le bas là, l'espèce de petit tiret. Et puis bah voilà, on est plus de 15 000 depuis quelques minutes. On est déjà en top tweet à 23h13. Alors j'ai même pas le temps de dire bonjour que déjà c'est fait. Ouais. Bah merci beaucoup en tout cas. C'est comme c'est grâce à vous aussi forcément tous les soirs. Parce que nous on fait pas grand chose dans l'absolu à ce niveau là. Bon, Xavier, Mickaël, vous avez le temps de la pub pour aller me follower sur le Twitter, d'accord? Ça marche. Bon, je compte sur vous. Hey, je vérifie parce que fais pas le ça marche, genre je vais l'enfumer, ça marche, et comme ça il va me lâcher. Je vais vérifier pendant la pub, d'accord? Ok, on va. Ouais, très bien, avec Xavier, Mickaël, bougez pas de là. Il croit que je vais pas, ouais, faire, pas vérifier. Attends. Je vais aller vérifier moi. Allez, bougez pas, et puis on revient juste après sur Fun Radio avec le son d'Eli Goulding. Burn, et puis le chéri, je peux te faire cocu également ce soir sur Fun Radio. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio présente le festival I Love Techno France le samedi 14 décembre au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez les plus grands DJ de la planète sur trois scènes. Sven Vatt, Laurent Garnier, Ned Sky, Geza Felstein, Ebrodinski et The Hacker, Fritz Kalbrenner, Backer Matt et bien d'autres. Infos et réservations ilovetechnofrance.fr. Point de vente habituel et funradio.fr. Le festival I Love Techno France le 14 décembre au Parc des Expos de Montpellier. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio là dans toute la France, 23h16, on sera au Paris Games Week. Ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après, ouais. Le 29 octobre, c'est mardi soir, donc si vous voulez venir. Et on sera à partir de 21h exceptionnellement, hein. Love in Fun sera raccourci pendant une heure, bah, déjà qu'il bosse 4 jours par semaine. Alors en plus déjà là, si c'est encore une heure de plus. Non mais ils sont sérieux, hein. Ouais, juste c'est mardi prochain. C'est mardi, non mais je veux dire prochain c'est demain. Ah oui d'accord, bah, ouais. Donc c'est celui d'après dans 8 jours quoi. Donc voilà, Paris Games Week, et j'ai des places à vous offrir également là. Appelez-nous 01 42 48 5000, vous appelez le standard maintenant pour choper vos places pour le Paris Games Week. On vous attend évidemment nombreux et nombreuses. Vous allez pouvoir même tester la PlayStation 4 et la Xbox One en avant-première. Et ça, ça ne se refuse pas. Ouais. Et oui, et votez également d'ailleurs pour le jeu vidéo de l'année. Quel est pour vous le jeu vidéo qui a marqué l'année 2013? Eh ben allez voter funradio.fr maintenant. On élira ce jeu vidéo et puis il y aura même la récompense. Vous allez pouvoir la remettre avec nous au Paris Games Week. Bref, ça va être la folie. Donc n'hésitez pas, funradio.fr. Plein de messages qui arrivent aussi par rapport à l'internat. On va en parler dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va revenir également avec Fred et sa colle pour gagner la Xbox 360 dans quelques minutes avec les deux jeux qu'on vous met à Halo 4 et Tomb Raider. Le temps d'écouter maintenant le son de Ellie Goulding sur Fun Radio. Ellie Goulding, c'est Burn. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. We don't have to worry about nothing. And we're gonna let it burn. L'excellent son de Ellie Goulding sur Fun avec Burn. Hey, 23h21, bonne soirée avec Fun Radio. Il y a Xavier avec nous là pour parler de l'internat encore évidemment. Hein. T'es là, Xav? Ouais, toujours. Bon, attends, il y a aussi Fred là qu'on va récupérer maintenant pour la colle. Allô, Fred? Ouais, toujours là. Bon, toujours très bien, là. On refait péter la colle, Fred. Alors, qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps? Bon, si vous avez la bonne réponse, je vous rappelle qu'il y a toujours une Xbox 360 à gagner avec le jeu Halo 4 et le jeu Tomb Raider. Il y a les deux jeux et je rappelle le principe. Donc, il y a Fred qui a posé une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il les tire au sort, c'est lui qui gagne et donc Fred repartira chez sa mère les mains vides. Et si personne ne trouve, c'est Fred qui gagne. Il y a Sandra qui proposait la réponse à la colle, c'est le cœur. Non. Non, il y a juste Alex qui dit pour la réponse à charade. Nouveau mot. Non. Je dirais les toilettes. Non. Non, d'accord. Une passoire. Non. Une fontaine. Non. Non, la vessie. Non. Une baignoire. Non. Un entonnoir. Non. C'est pas mal l'entonnoir. C'est vrai que ça se remplit, ça se vide dans le temps. Ouais, mais bon. La vie. Non. Alexandre qui proposait les toilettes. Non. Non, bon bah d'accord, tant pis. Bon bah les autres, si vous avez la bonne réponse, allez-y, n'hésitez pas, vous envoyez simplement maintenant votre message. Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et bon bah voilà, vous repartirez peut-être avec votre Xbox 360 et le jeu Halo 4. Et bien sûr également le jeu Tomb Raider. Bonne chance. Fred, on te récupère d'ici une petite vingtaine de minutes. Ok, y'a pas de soucis. Et vous avez jusqu'à 12h30 pour vous inscrire. On fera le tirage au sort évidemment parmi les éventuelles bonnes réponses à cette heure-là. Bon, il y a un message de Cell23 qui dit c'est de la merde l'internat, mort de rire. Alors voilà, toi t'as trouvé ça pourri ou pas, Xavier, toi? Franchement, non. Non, toi, mais en général, c'est les gens, ils veulent jamais y aller, puis une fois qu'ils y sont, ils sont taqués, ils adorent. Ouais, en général. C'est ça, Ouais. La première année, c'est dur. La première année, on s'en prend plein la gueule, mais après. Après, tu vois exactement comment faire pour faire les conneries sans te faire griller, etc. Ouais, voilà. Il y a Samuel qui dit aussi, je voudrais bien mon message de bienvenue, s'il te plaît. Ah bah oui, c'est vrai, j'en ai pas encore mis un de message de bienvenue. Là. Attends une seconde, je vais t'en mettre un. Tiens, voilà. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah bah voilà. En plus, c'est un bon du Nord. Tiens, t'as eu ton message de bienvenue, toi, Xavier? Non, hein. Non. Bon, bah très bien. Allez, vos foutes. Ah bah voilà, très bien. Est-ce que t'as fait un petit follow là sur Twitter, Xavier? Non, pas encore. Ah bah bravo, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est mal, c'est mal. Voilà. Et attends, tu veux que Toff lève la jambe? Ouais, ouais, il a pas le choix de toute façon. Ah bah ouais, attends, une seconde. Voilà. Voilà, et en bon, plus, il a mangé un truc scandaleux tout à l'heure. Enfin bon. Oh, c'est bon, des paupiettes. Ouais, ouais, bah c'est ce que je dis, scandaleux, scandaleux. Tu sens l'odeur des paupiettes, Xavier, là, comme ça ou pas? Avec, non, avec l'odeur du pet là, non? T'inquiète, ça va venir. Ah, attends, il relève la jambe. Voilà, et là, ça va mieux? Là, oui, un petit peu. Ah, tu sens l'odeur là, des paupiettes, hein? Ah, franchement. Ah, là, un peu quand même. Bah, ouais. Bah, oui. Et dans ton cul, au connard. Non, ça vient de sortir, mais c'est chez Toff, en l'occurrence. Bon, Xavier, alors l'internat, il y avait Mickaël également de Brest là. T'es là, Mickaël? Ouais, par contre, bon. Tu vas pas me donner de coup de pelle, mais je me rappelle plus comment tu t'appelles sur Twitter. Oh merde, Mickaël, alors c'est M-I-K-L, la petite barre en bas, donc le underscore, le tiré en bas, t'appelles ça comme tu veux, espace, Mickaël underscore officiel. Bon, vas-y, alors. fais-le. Alors, je vais. Bon, on va le faire en direct. J'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qu'il est mauvais? Comment ça, depuis longtemps, tu m'as dit que tu l'avais pas encore fait? Ah mais je croyais que c'était un autre truc moi. J'en ai pas 160. Bon bah les autres allez-y hein. Rejoignez-moi là comme Gear Monster qui vient d'arriver. Il y a Néné Sou également. Il y a Max, il y a Valentin qui vient de débarquer. Alors est-ce que c'est l'autre Valentin, je ne sais pas. Victor également, il y a Temo, il y a Anto aussi qui vient de débarquer que je follow comme promis. Branlix également, Kevin, bah ouais. Il y a Choose Your Battles, il y a Corentin, etc. Ouais. etc. Voilà, bon bah tous les autres vous venez me rejoindre. Vous tapez Mickaël underscore officiel et puis bah on se rejoint tout simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Et vous êtes toujours là au taquet. Merci à vous en tout cas. Bon alors, Mickaël, donc toi c'est quoi l'histoire à l'internat? T'as vécu quoi toi? Ceux qui me faisaient chier, je mettais des boules puantes dans leur chambre. Oh. C'est pas mal, mais la question c'est... Est-ce que dans la poubelle, pourquoi? Bah quand ils vont généralement dans la poubelle, tu vas pas vérifier ce qu'il y a. Pas faux. Mais après, le problème de la poubelle, c'est qu'elle est vide assez régulièrement en théorie. Oui. Ah ouais, mais en dessous du sac. Ah ouais, en dessous du sac poubelle. Oh là là, mais quel pervers. Si, non, c'est pas mal, c'est une bonne idée ça. On voit que le mec, il a fait 5 ans d'internat. Hein. Il connaît toutes les enfumes. Non, mais c'est pas mal. C'est un peu comme la tôle, non, l'internat? Franchement, non. Franchement, c'est comme si t'étais béton, quoi. Ça dépend. Non, enfin, franchement, moi j'ai kiffé. Bon, après, moi, c'était qu'un mois maxi, mais oui, après. Oui, mais 5 ans. Moi, j'aurais pas kiffé, moi. Je déteste l'autorité, donc déjà, ça m'aurait rendu ouf de. Allez hop, 21h, extinction des feux. Tu peux pas écouter la radio. Ouais, tu peux c'est rien ça, faire, c'est une tanasse. Oh, je crois que j'ai mes cousins qui sont à l'internat aujourd'hui, ils ont la belle vie. PSP, PS3, ils sont open bar, t'inquiète pas, alors, ils vont bien. Je sais pas s'ils écoutent, mais ils pourraient éventuellement à 23h. Oh, pas de problème. Eh ben. Aucun souci. Et Mickaël, toi, t'es content l'internat ou pas? Mickaël? Mickaël, à Brest. Ouais. Oh là là. Ah, mais tu t'appelles Mickaël, Mickaël ou pas? Oui, non, mais j'étais. Non, parce que c'est rare, en général, quand on prononce un nom, que, tu vois, qu'on réponde pas, c'est beau, c'est bizarre. T'es content de l'internat ou pas, toi, Mickaël? Bah, en fait, je suis resté un an, après, je me suis fait virer. Ah oui. Donc évidemment. Bah, mais c'est normal, à force de mettre des boules puantes partout dans l'établissement, il y a un moment, c'est normal. Et toi, Xavier, la pire connerie que t'es faite, alors tu l'as trouvée ou pas? Oui, alors ça, c'était dans la chambre du pion. Ouais. On lui a mis son lit en cathédrale. Ouais. On lui a mis de la mousse à raser dans l'oreiller. De la merde dans son sac. Oh. On a trempé son lit. Et on a arrosé tout ça de... Comment dire? De miel dessus, pour que ça colle tout. Mais vous êtes vraiment... Mais il était vraiment relou ou c'était par plaisir? Non, franchement, il était vraiment chiant. Ah d'accord, ok, donc c'était une vengeance, quoi. Ah bah oui, on était environ 20 pour faire ça. Ah bah oui, non mais bien sûr, attends, il y a Guillaume aussi dans un instant là qui voulait réagir de Perpignan. Salut Guillaume. Ah ouais, salut. Ça va bien? Salut. Bon, toi t'es devenu pion toi. Oh putain, cette barre le battle. Attends, bouge pas Guillaume. Xavier. Oh, Guillaume le traître est devenu pion. Guillaume, reste avec mais nous. Une coup de pelle. Oui, t'inquiète pas, tiens. Hop là, voilà. Bon, ben Guillaume, Mickaël et Xavier. Non, mais attends, t'inquiète, Guillaume. On va te reprendre dans quelques minutes. On aura Anthony aussi pour parler de la glande. Et puis on aura Louis aussi dans quelques minutes là. Bonsoir Louis. Bonsoir. Comment ça va? Tranquillement. Ben tranquillement. On va parler de quoi dans quelques minutes avec toi, Louis? D'une expérience chelou qui s'est passée à une soirée libertine. Ah, et ben très bien. Écoute, nous allons en parler d'ici quelques minutes avec grand plaisir alors, Louis. D'accord. Et ben très bien, ne bouge pas de là. Dis-moi, j'avais une petite question aussi à te poser. Oui. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué ? Tu savais ou pas ? Bah oui, tout à fait. Ah bon, bah c'est le principal, alors très bien. Non, je dis ça parce qu'en fait, on va pas tarder à appeler des gens avec Toff là pour leur poser une question. Je suis tombé sur un sondage, hein. Heureusement, ça m'a laissé le temps de la pub là pour trouver ça. Est-ce que vous trouvez que vous avez un gros sexe, Louis ? Moi, personnellement, il est immense. Il est immense. De combien il est immense ? Non, la taille normale. Après, je vais pas dire la taille de mon sexe à l'antenne. Non, c'est fou, vrai, hein. Les gens pourraient te reconnaître. Attends, ouais, pose ton sexe sur l'appareil, sur ton téléphone, on a un appareil à détecter les menteurs. Attention. Vas-y. Ah non, pose j'ai cassé mon écran. Pose le nombre, c'est pas grave, cinéma, ça passe par onde. Vas-y, et... Ah bah voilà, on sait que tu as menti. Très bien, bah voilà, comme ça, moi, c'est fait. Toff, tu combien ? 18. 18, Polo ? Ça fait longtemps que je l'ai pas mesuré, la bête. Non, mais à l'époque, quand elle était jeune. C'est pas l'année dernière. Mais je sais plus, 19, 20, je sais pas. 20, 25, non, mais dans les... 43, mais non, c'est non, comme mais... mes chaussures. Mais non, c'est pour attends, ça. C'est juste... le moyen mémotechnique. Je non. m'en souviens, c'est la même taille que mes Laisse-moi chaussures. Non, je fais du 43. Je t'expliquais pourquoi. Parce que t'as la vraie façon de mesurer, en fait, ça part de là. Ouais, de où personne c'est pas très radiophonique parce qu'on voit pas très bien où ça c'est. Ça part d'au-dessus. Ouais. Et quand t'es petit, en fait, tu mesures par en bas. Ouais, ouais. Par les couilles, ouais. Voilà, pour et en fait, c'est vachement plus long. Bah oui, il faut faire ça par en haut. Comme ça t'arrange, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Pas de l'anus, non plus. Voilà. Bon, écoute, en gros, je posais la question parce que selon une étude anglaise, les hommes auraient plutôt tendance à trouver leur sexe trop petit. Bah, forcément. Donc, venez nous dire si vous êtes satisfait du vôtre. Et puis, Toff, on va appeler des gens dans quelques minutes. Pour voir s'ils sont contents. Exactement, ouais. On fait ça dans quelques instants sur Fun Radio. Restez là si vous avez des numéros à proposer. Et bien, allez-y, hein, 01 42 48 5000. Et puis, plus facilement, vous envoyez les numéros de gens encore debout à cette heure-ci qui sont plutôt chauds du cul. Sur le mail de Toff. Donc, toph@funradio.fr. Le remix, donc, hein. Hein, bah oui. Le remix de Britney Spears featuring moi-même. Le titre c'est Work Bitch. Le remix c'est Work Bitch Motherfucker. Autant dire que Quentin Mosimane a du souci à se faire et que je ne vais pas tarder à récupérer sa tranche dans Party Fun. C'est ce que je peux vous dire. Allez, Britney Spears maintenant, Work Bitch Motherfucker sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Il est 23h30. Dans un instant, on se remet un petit coup la colle avec notre ami Fred pour gagner les Xbox 360. Restez là et puis rencard aussi sur le Facebook de Fun. Facebook.com/emikelofficiel. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué ? Mickaël, No Limit, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et voilà, on est de retour en direct sur Fun Radio avec ce petit remix made in Mickaël No Limit. Exactement, c'est Fabienne qui dit Work Bitch Motherfucker. Délire extrême. Il y a Perrino qui dit aussi j'adore leur mix. La Toff, tes amis sont chauds ce soir. Mais comme ce très, soir. Très. Il y a Florian qui dit trop bon le son du remix à l'instant. Et puis Valentin qui dit vive Mickaël, je viens de me faire engueuler. Je suis censé plus vous écouter en ce moment. Mais t'en as rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Hey, dis-leur à tes parents. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà, juste pour voir. Il y a, alors si par contre vous pouvez leur dire et enregistrer, nous envoyer le son de ce qu'ils vont répondre, je pense qu'on peut se marrer pendant un petit bout de temps. Hein. Ça c'est bon ça. Donc quand vos parents vous prennent la tête, vous enregistrez avant avec votre téléphone et puis après tu dis. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Et là vous enregistrez la réponse et vous nous l'envoyez surtout. Et là ils vont l'emmener chez un médecin spécialisé parce que. Cédric qui dit aussi yeah DJ Mimi c'est de la bombe. Il y a Kawed qui dit mon sexe mesure 52 cm. Ah mais nous sommes ravis de l'apprendre. Et Shark qui dit quand Mickaël dit extinction des feux, les lumières de ma ville s'éteignent, je me pisse dessus de ma voiture littéralement. Ah oui parce que j'ai pris un exemple tout à l'heure des internats en disant extinction des feux et au même moment bah il y a peut-être des endroits où effectivement ça s'est arrêté. Et là en l'occurrence Shark a peur. T'as le bras long. Ah j'ai le bras très long, moi je peux couper la lumière chez vous si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Est-ce que tu es fort ? Je sais. Non mais c'est vrai, je sais. Bon de toute façon Toff n'est plus le même depuis que c'est devenu un acteur. Hein. Ils ont buté les deux ! Ils ont buté les deux ! C'est vrai. C'était dans le canular d'hier soir. Si vous n'avez pas été à l'écoute hier soir, vous avez raté le meilleur canular de l'année. Enfin j'espère qu'on en fera des prestations. Ouais, j'espère qu'on en fera des encore plus drôles parce qu'on est encore là, on est encore là toute l'année. Mais je veux dire, pour l'instant, c'est le meilleur. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais avec lui dans la rue et il est parti voir une meuf et il lui a dit que c'était un acteur. Ah t'as vu ? I'm the actor, I'm the friend of George Clooney. Il a peur de rien lui. Yes, I know Brad Pitt. Et il a mis ça dans son téléphone et il lui a fait écouter le morceau. Ah ouais, bah dis donc t'as vu. Elle était fan direct. Et Andrea qui est avec nous maintenant là. Bonsoir Andrea. Allô. Ah, Andrea, t'es avec nous. 19 ans, Andrea, de Lyon. Comment ça va, Andrea? Ça va. Bon, tu savais que Toff, il connaissait personnellement Brad Pitt? Ouais. Ah, t'as vu? Non, mais hey, attention, ouais. Non, mais qu'est-ce que tu crois? Il est au taquet, hein? Ouais, une grande star à Bollywood. Ouais. Une grande star à Bollywood, exactement, ouais. Bon, Andrea, combien mesures-tu? Elle mesure 19 ans. Bah, 19 ans, c'est pas ouais, ouais. Alors, combien mesures-tu? 53. Combien pèses-tu? 70 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 105D. Quoi? Ah oui, oui, c'était énorme. Ah, tu rigoles moi, là! 105! Ah oui, D, mais c'est un D le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème. Mais le tout, c'est. Mais c'est D, c'est énorme. C'est un tronc? C'est énorme. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 40. 40, ouais, c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Pas mal. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Ah oui, là, au balcon, effectivement, il y a du monde, et ça, c'est une certitude. Bon, alors, Andrea, toi, tu voulais nous parler des internats, de l'internat, des conneries que t'as éventuellement pu faire dans un internat, c'est bien ça? Très bien. Des conneries, des trucs qu'on a fait, en fait. Bah oui. Bon, est-ce que tu permets juste, Andrea, qu'on fasse un petit appel éventuellement à Toff? Enfin, avec Toff, plutôt, en l'occurrence. Petit appel pour voir si les gens sont plutôt contents de leur engin sexuel en termes de taille. Bah, allez-y. Bah, alors, on en fait un vite fait maintenant. T'as jamais eu un problème, toi, Andrea, avec tes mecs? Non. Non. Bon, bah écoute, très bien. Alors, on l'appelle maintenant, le premier, là, c'est parti. Ne bouge pas de là, Andrea. On aura Guillaume aussi dans quelques minutes. Mickaël, Xavier. Et c'est parti, on appelle pour voir si les gens sont contents de leur sexe. Allez, c'est parti. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir quelle est la taille du sexe de votre mari? Et ta mère, tu la connais, ta mère? Oui, je la connais très bien, madame, mais je vois pas le rapport avec la question. Attends, on le rappelle. Et ta mère? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, malheureusement, ça a coupé. En fait, je voulais savoir quelle était la taille de votre bite. Attends. Vous voulez quoi? Je voudrais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon? Combien mesure votre membre? Pourquoi faire? Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis moi, et je vous appelle pour connaître la taille de votre sexe. Je vais appeler les flics, là. Oui. Et je vais prendre votre numéro. Vous faites quoi, là? Vous arnaquez les gens, vous faites quoi, là? Vous parlez à ma femme, vous, les coins? Je veux savoir, en fait, si vous êtes satisfait de la taille de votre chibre, monsieur. Quel chiffre que vous voulez m'arnaquer avec votre chiffre? Non, chiffre. Allez, tu peux dégager ton non, salopard, ouais. Ferme ta gueule. Tu le fermes. Tu appelles la prochaine fois, je te casse. Oui, mais il faut qu'on trouve son numéro. Je vais te trouver ton numéro, espèce de connard, ouais. D'accord, mais vous voulez pas répondre à la question, plutôt? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait... J'étais au téléphone avec je ne sais pas qui, et en fait je voulais connaître la taille de votre sexe, monsieur. Écoute, regarde, de toute façon, je connais quelqu'un qui travaille avec tes accessoires, on va prendre les relevés téléphoniques. Je vais bien trouver ton numéro. Oui. Et je vais pas appeler la police ou quoi, mais je vais venir directement chez toi. D'accord, et mais vous voulez... J'espère que demain, le plus rapidement possible, je vais trouver ton numéro. Mais je peux vous le donner si vous voulez, on peut gagner du temps. Ouais, je veux bien, bah donne-le-moi. Ouais. Alors donc 01. Ouais. 42. Ouais. 48. Voilà. 50 00. Mais tu veux quoi, en fait, exactement? Je voulais savoir la taille de votre sexe, monsieur. Mais demande à ta mère, on va te le dire directement. J'ai l'habitude de lui mettre dans le huc. D'accord, mais en centimètres, ça fait combien? Et t'es qui, toi? Comment t'as eu ce numéro, déjà? Juste dis-moi, s'il te plaît. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Non, mais t'appelles mes parents, espèce de fils de pute, je fais des blagues au téléphone, espèce de putain de ta mère, t'as pas honte? Mes parents, c'est des vieilles personnes, ils ont pas ton âge. Pourquoi tu fais des trucs comme ça, espèce de fils de pute? Pourquoi t'appelles les gens à ce moment-là, tu déranges les gens? Pour savoir quelle est la taille de votre sexe, monsieur. Mais si, demande à ta mère, elle va te dire. D'accord, mais moi, je veux juste un chiffre en centimètres, parce qu'en fait, après, je voulais vous demander si vous en êtes satisfaite de la taille de votre sexe. C'est quoi, demain? C'est quoi? J'espère juste que je vais trouver ton numéro, là, parce que toi, tu sais pas, t'es en train de parler avec qui, tu sais pas, t'appelles qui. C'est facile de... Appelle ma chérie, c'est facile de parler avec les gens, c'est quoi? Je viens de vous donner mon numéro, monsieur. Mais tu m'as donné un faux numéro, c'est quoi? Je l'ai même pas noté, c'est très bien, c'est un faux numéro. Mais non, c'est mon numéro. Si vous appelez, vous pouvez me joindre. Donne ton numéro, Dan. Je vais juste pour voir c'est quoi le numéro que je me donne. Dan, je vais rigoler un peu, Dan. 01 42. Je répéterai pas après, parce que ça me fait chier. 42, 48. Bah oui, mais alors bon. Ah bah ouais, mais bon, en plus il raccroche, qu'il est con lui alors. Toff, il va se faire déchirer. Ah ouais, un C4, ça lui pend hein, je te confirme. Allez, bougez pas, on va revenir dans quelques minutes sur Fun Radio avec l'Eterna. On va en reparler dans quelques instants sur Fun Radio. Prenez le contrôle. envoyer un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Mickaël, attendez la suite. Mickaël, no limit. C'est tous les soirs sur Fun Radio. Et on est en direct évidemment dans toute la France sur Fun Radio et tous vos, toujours vos messages évidemment qui arrivent en direct. Alors il y en a plein hein, qui sont arrivés. Il y a Kawette qui dit j'imagine bien quelqu'un qui m'appelle pour savoir des trucs aussi indiscrets. Enfin moi je vous insulterai pas, je raccrocherai direct tout simplement. Et puis Miss Mello Chamallow aussi qui t'offre, tu vas finir par devoir signer un testament, il va mourir un jour, lui c'est clair. Bah, j'ai pris une assurance vie quand même récemment. Ah bon, bah ça va, oui, bah, oui, on en fera d'autres des appels évidemment d'ici quelques minutes. Donc restez bien là, on va récupérer Fred. Alors standard est full, hein. Fred qui est là pour la colle, on aura Louis aussi pour les soirées libertines, Jonathan, Andrea, Guillaume, Mickaël, Xavier pour réagir par rapport à l'internat. Et puis on aura Anthony qui va nous raconter sa journée de glande. Tout ça dans quelques minutes sur Fun Radio, tout simplement. Je vous rappelle également qu'on sera à Nancy dimanche soir à partir de 20h. On fera l'émission en direct de Fun Radio Nancy. Et on ira aussi sur la place Tann. Ce sera courant de l'après-midi. On vous donnera les horaires exacts évidemment au fur et à mesure de la semaine. Et puis sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Encore une raison de plus évidemment de nous suivre sur le Facebook et le Twitter. Voilà, vous tapez Mickaël officiel et on sera annoncé avec grand plaisir dimanche pour pouvoir enfin vous voir en chair et en os. Ça va être la folie totale. Tu vas faire le son de Pitbull, je l'ai premier soir en fin d'émission. La Pitbull et Kesha, c'est Timber maintenant sur Fun. Bonne soirée. C'est Fun Radio et le son de Pitbull en entier avec Kesha, c'était Timber, c'était Lilou sur le Twitter hier soir en fin d'émission qui m'avait demandé le son de Kesha. Bah il y a 24 heures tout pile puisque hier on faisait 20h minuit et il avait demandé ça à 23h50 et voilà, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce que tu es fort. T'as vu, vous demandez les titres et 24 heures après je vous les mets. C'est déjà pas mal. Hein, et surtout ce qui est bien comme je viens de lui répondre sur le Twitter, c'est que j'y ai pensé. Ce qui est quand même assez surréaliste, puisque vu la mémoire de poisson rouge que j'ai, je peux vous dire que c'était pas gagné d'avance. Il y a Maxime qui dit tof, sans déconner, t'as pas honte d'appeler et de déranger des gens qui n'ont pas ton âge, mort de rire, vous gérez Fun. Ouais, mais en même temps c'est bien parce que le mec il dit oui, vous appelez chez mes parents, etc. À côté de ça, le mec il dit quand même je vais te tuer, fils de pute. Ses parents doivent être fiers de lui. Je vais te retrouver, tu vas voir. Bon bref. Il y a aussi je te donne encore 3 semaines à vivre, tof, avec tous les canulars que tu fais. Et Kawed qui dit j'imagine bien quelqu'un m'appeler pour savoir des trucs aussi indiscrets. Il y avait quoi aussi, Toff est complètement fou. Faustine qui dit mort de rire, Toff, tu connais Brad. Ah ouais, il connaît Brad, mais pas Brad Pitt, hein, pas Brad Pitt. Et Thomas qui dit moi à l'internat, je me suis retrouvé à poil avec tout l'internat dehors en exercice d'incendie. Oh, la top classe. La top top classe. Bon, on va récupérer Xavier là maintenant. Là. Xav, toujours là? Ouais, toujours. Bon, très bien. On fera aussi dans quelques minutes le chéri, je peux te faire cocu. Je vous rappelle également le principe. Le principe est très simple, en gros, hein, si vous voulez repartir avec des cadeaux. Le but, faire chier votre copain, votre copine. Donc le but ultime, donc c'est d'appeler votre copain ou votre copine et lui faire croire en fait que vous avez rencontré quelqu'un. Non pas que vous avez déjà couché avec lui, hein, c'est pas ça. Simplement lui dire que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a proposé de coucher avec lui juste un soir, après c'est fini. Et en gros, c'est juste lui demander l'autorisation, quoi. En gros, c'est ça. Donc normalement il va s'énerver. Donc s'il s'énerve bien, et vous repartez avec des cadeaux. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. Bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, Xavier? Tu déménages là ou tu fais quoi? Non, il va prendre son bain. Moi, non, je suis dans mon lit, pépère. Ah bon, okay. D'accord, ok, très bien. Donc voilà, chérie, je peux te faire cocu, ça va arriver dans quelques minutes. Et puis il y a plus de pub aussi, hein. Ça c'est la bonne nouvelle, plus de pub jusqu'à 2h du mat minimum. Ça veut dire voilà. Qu'on n'est pas payé aussi, quoi. Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'on est moins payé. Bon, Xavier, alors, il y a Mickaël qui nous avait appelé pour réagir aussi à l'internat, on l'avait déjà eu. Ouais. Et également Andrea maintenant, Andrea de Lyon également. Salut Andrea. Salut. Bon, alors, Andrea, qu'est-ce que tu voulais dire toi par rapport à l'internat? J'étais allée à l'internat pendant un an. Et ouais. Avec des filles, en fait, on s'amusait à se faire peur. On se racontait des histoires avec les esprits et tout, et avec la dame blanche. Ouais, ça fait peur. Et puis bah ça lui a fait peur, elle a raccroché. Ah c'est tout. Ah non, elle s'est barrée. Non. Ah je suis là. Très bien, donc il y a eu les esprits et puis. Bah du coup, t'as vu, on se parlait et tout, on se regardait dans les glaces et tout, on se faisait peur et tout, quand on flippait et tout. Voilà. Ah c'est tout. Et vous faisiez des séances de spiritisme ou pas? Bah des fois ouais, on mettait des verres. Mais est-ce que les verres bougeaient? Ça s'appelle un cocktail là. Oui, un cocktail, oui. Quand tu mets des verres et tu les remplis, après tu les bois. Mais il sait pas. Qui a lancé ça? C'est toi qui a lancé ça ou c'est une copine à toi? Non, c'est une amie. Ah mais vous aviez vraiment peur ou pas? Non, ça va, mais des fois ça faisait vraiment peur. Ah. Parce que bientôt. Il y en a une, elle voyait son père, elle disait. Oui, bien sûr. Bah, moi aussi, non, quand j'y pense, je le vois. Hein, mais... enfin, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai des photos et tout, chaque fois que je les sors, je le vois. Voilà, c'est ça. Hein, mais... Enfin, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, c'est à faire dans les internats si vous voulez vous marrer. C'est en fait, c'est une entreprise. Ouais. Ils ont une réunion tard le soir, du coup, tu sais, dans les couloirs, c'est à moitié allumé. Et en fait, il y a une meuf qui est déguisée avec un drap. Et elle est cachée dans un, enfin elle est dans un couloir et tu vois les employés qui passent et mais qui comme la elle voient. Derrière toi, là. Arrête. J'aime ça bien ça. Et c'est des barres de rire la vidéo parce que tu les vois flipper mais les meufs comme les mecs quoi, tu vois, ils voient, il y en a qui la tapent. C'est énorme, faut on va essayer ça, on mettra quelqu'un avec une avec un drap sur la tête pour mettre derrière chez Sandro. Bah bien sûr. Pour la soirée d'Halloween. En même temps, j'ai plus le peur de rien. Ben oui, on peut mettre Toff effectivement et ça peut être une idée, pourquoi ouais, pas. Et puis j'ai pas besoin de me déguiser. Et puis l'avantage c'est qu'effectivement il est naturel et au moins il fera peur tout seul. Bon, et puis il y avait également Guillaume qui lui aussi était en internat. Guillaume. Ouais, c'est ça. Sauf que toi t'es passé du côté obscur de la force. C'est ça, voilà. Puisque moi, je fais de la charité, donc je leur permets à tous d'avoir un pion enfin qui les comprend. Quoi. Ah, ça c'est bon ça. D'accord, ok. Alors oui. D'accord, alors très bien. Donc aujourd'hui, donc toi t'es pion et comment ça se passe? Est-ce qu'on t'a déjà fait des coups foireux ou qu'est-ce que toi tu avais déjà fait comme coup foireux? Alors, moi quand j'étais à l'internat, nous la grande tradition c'était les crépages. Ouais. Et en pleine nuit, tu rentres à plusieurs dans une chambre, tu attrapes les lits qui sont dans la chambre et tu retournes tout. Et après, d'accord. Tu retournes, quoi, hein. Ouais, alors, d'accord. Nous, on avait mis les draps dehors sous la pluie. Ah, sympa ça. Sinon, comme gros truc mythique qu'il y a eu quand j'étais au lycée, quand j'étais interne, c'est moi j'étais dans un lycée agricole, donc sur le lycée on avait une exploitation laitière avec des vaches. Ouais, oh putain. Et, un soir, il y en a qui ont ramené un veau dans le lycée et qui ont laissé toute la nuit dans le couloir. Oui, mais je voulais travailler sur mon devoir de demain, monsieur. Du coup, j'ai ramené le veau, là. Voilà, c'est ça. Le veau, il a refait la tapisserie sous le couloir. Et voilà, et après, le lendemain matin, il faut cours avec les bonnes odeurs. Ah bah oui, sympa, quoi. Partie. Puis en plus, voilà, c'est bien, sympa. Avec un veau dans la chambre, tu dors bien, les odeurs sont bonnes. Ah, et puis l'avantage, c'est que t'as le lait frais le matin, hein. Quoi oui, l'avantage c'est que t'as le lait frais le matin, tu vois, tu vas pas te faire chier. Non mais t'es bien avec ça, t'es pas mal. Il y avait Jonathan également là, devant de Marsan. Salut Jonathan. Oui, bonsoir à tous. Oui, comment salut. Ça va Jonathan? Oui, mais j'ai rigolé en même temps à votre blague pour le lait. Ah, ben, je suis ravi d'avoir fait rire quelqu'un. Bon, enfin, visiblement, Andrea, elle va plus en remettre, hein, donc. Andrea, reste avec nous, hein. Reste en vie, Andrea. On dirait qu'elle jouit. Ouais, oui. Andrea, reste en vie, hein. Ah ouais. Bon d'accord, non mais j'ai pas envie de te perdre Andrea. Bon, je suis là. Bah tant mieux, ça me voilà rassuré. Par un coup et ça ira mieux. Bah voilà, bois un petit verre de lait. Non. Là tout mis par terre, c'est parfait. Bon alors attends. Je arrosé avec de l'eau. C'est très bien, si tu veux toi viens venir essuyer. Ouais. Surtout si tu as un t-shirt. Non, c'est bon. Voilà. Bon Jonathan, alors toi tu voulais réagir aussi par rapport à l'internat? Oui, par rapport à l'internat, oui. Je pense avoir battu tout le monde sur ce point-là, parce que moi, j'ai réussi à coucher avec ma pionne qui surveille l'internat. Oh, c'est pas mal, ça. Ça vaut du point, ça. C'est pas mal du tout, ça. Ouais, donc du coup, bon, comment ça s'est passé? On se chambrait depuis un moment, et j'ai réussi à l'avoir sur Facebook, et on a réussi à négocier une nuit ensemble. Sauf que je l'avais dit à un ami à moi, et donc on a fait ce qu'on avait à faire, et quand je suis sorti de la chambre, tout le monde m'attendait devant la porte, quoi, en train de m'applaudir, de rigoler, tout ça. Quoi. Ah d'accord, ouais, mais ils t'ont accueilli genre le guerrier, le mec le soldat qui revient de la guerre, quoi, tu vois. Genre la honte plutôt, je pense. Ah la honte? Pourquoi? Elle était pas bien, elle était pas bien la prof? C'est pas qu'elle était pas bien, mais bon, c'est un peu la honte quand on sort de la chambre, tout le monde t'applaudit comme si... Ah, ça dépend, si t'as réussi à te pécho la meuf que tout le monde voulait et qu'au final, ils viennent et t'applaudissent pour ça, c'est plutôt bien. Ouais, ça aurait été, c'était pas non plus Britney Spears, quoi. Hein. Oui, non, mais d'accord. Mais après, Britney Spears, il y a eu des moments où elle était pas terrible. Hein. Maintenant, elle est dégueulasse. Ouais. Non, maintenant, ça va. Il y a eu un moment où elle était genre à l'école, elle était etc. Elle était en mode. Elle était en mode biatch, elle était en mode bien. Non, avec la tenue en cuir et tout ça. Le meilleur moment, c'est I'm a Slave for You. Yes. Voilà, c'était yes, le... Ou alors il y avait aussi Hit Me Baby One More Time au tout début où il était en jaune écolière. Yes it is. Ah j'ai fantasmé dessus à l'époque. Hein. Non, moi pour moi ça restera toujours la combi rouge. Ah bah ouais c'était... Il y avait quelque chose. Hein. Vous vous souvenez de celle-là ou pas la chanson de Britney Spears là avec Baby One More Time? Oui. Parfait. Non mais c'est parce que je posais la question à moi-même en fait. Je me suis dit mais quel con il répond pas. Tu vois vous êtes quand même 1, 2, 3, 4, 5 dans le standard. Ouais. Hein. Je vous pose une question, il n'y a pas un qui me répond. C'est une compétition de mollesse. Hein? Voilà une claque? Je sais pas. Tiens, c'est pour toi Xavier. Mickaël, c'est pour toi. Guillaume, toi tu te prends. Voilà. André, un coup de pelle. Et Jonathan, toi tu te prends le lance-flamme. Oh, j'ai pris une pelle MP moi quand même. Hein. Oui, bah t'as pris les deux. Bah voilà, bien fait pour toi, tiens. Bon, je disais, est-ce que vous vous souvenez de... Bon, tu sais quoi, je vais passer la question suivante. Hein, on va poser une autre question. Ils sont hermétiques. Mais ça, je pense que c'est un concours qu'ils font. Ouais, il faut qui va concours. Répondre le plus lentement possible. Ben, on va faire par... on va jouer aussi, Lou. Allô? Oui. Oui. Voilà. T'es sûr? C'est là. Oui. Tant mieux. Qui es-tu? Allô? Qui me parle? Oui. Allô? Oula, c'est trop, vite, trop, vite, trop vite, trop vite, trop vite, trop vite. Allô? Oui. Oui, allô? Oui. Allô? Ah voilà, très bien, parfait. Non, mais j'entendais mal, Andrea. Merci, merci d'avoir joué le jeu, Andrea. Tous les autres, coup de pelle. Voilà. Voilà, Mickaël. Voilà, Guillaume. Oh non. Voilà, si, si. Et Jonathan, lance-flamme. Bien. Voilà, comme ça, t'auras la tête grillée. Tu seras mieux comme ça. Tu seras mieux, tu seras mieux. Mais oui, ça fait le malin dans les internats. Mais oui, c'est ça, exactement. Bon, ben, Mickaël, merci à toi d'être passé ce soir. Ah, mais j'ai. Ah mais tu voulais dire un truc encore, Mickaël? Non, parce que ça s'entendait mal que tu voulais dire encore un truc, tu vois, avec toutes les perches que je t'ai lancées. Tu voulais ajouter quoi, Mickaël? Je voulais dire que les boules puantes, en fait, c'était sur les lits que je mettais, comme ça, ça restait imprégné bien longtemps. Quel enculé, Mickaël. Bah, tu sais quoi? Hop, coup de pelle. Ça se fait pas, ça se fait pas. Et maintenant, on en reçoit ce soir. Hein. De quoi, Andrea? On en reçoit des coups de pelle ce soir. Ah oui, ce soir je fais distribution, c'est gratuit. C'est gratuit, exactement. C'est sa tournée. Non mais c'est vrai que pour le coup, c'est effectivement, si tu veux vraiment faire chier le monde, tu mets les boules puantes dans le matelas, ouais. Et tu les mets bien, pour que le plus bas possible, le plus possible dans le matelas même. Idéalement, quand tu vois, si jamais il y a une, je sais pas moi, un petit trou de brûlure de cigarette ou n'importe quoi, tu le mets dedans. Ah, là t'es au top, ça. Là t'es au top avec ça, t'es au top du top. Bah merci Mickaël pour le tuyau. Je peux passer une dédicace? Allez vas-y, il y a une seule personne, hein. Alors, je passe une dédicace à Maïwen qui est en train de m'écouter, je pense. Très bien. Eh ben, écoute, on l'embrasse, alors, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Salut. Allez, je pourrais avoir un pack fun. Ouais, ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, sans varier, il n'y a pas de souci. Salut, salut. Okay. À salut. Bientôt, Mickaël. Guillaume. Bravo, il a compris, ouais. Une. Guillaume, ouais, c'est pas mal, Andrea. Guillaume, encore un truc à ajouter? Elle surveille. Ouais, ben moi, je fais une petite dédi, vite fait. Ah bah, une seule personne, vas-y, Guillaume. À une seule personne? Ah oui, c'est la règle, c'est une personne. Il faut choisir la bonne. Bon, allez, à ma soeur, parce que je sais qu'elle est en train de m'écouter là. Ah bah très bien, bon, on embrasse la soeur de Guillaume qui s'appelle comment? Clémence. Clémence, très bien, parfait. Ben voilà, ben, Guillaume, passe une bonne soirée aussi. Allez, pareil. À bientôt, non. Jonathan, merci à toi d'être passé pareil. Merci, une petite dédicace. Allez, vas-y, il y a une personne, vas-y, vas-y. Je vais faire une dédicace à ma grand-mère qui est en train de dormir. Ah bah parfait. Et qui n'écoute jamais Fun Radio. Très bien, eh bien on l'embrasse. Comment elle s'appelle la grand-mère? Claudette. Claudette, eh bah salut Claudette. Sur la bouche, t'embrasse sur la non, bouche. Non, Claudette. Non, non. Bon, salut Jonathan, à bientôt. Allez, merci à tous. Allez, à bientôt. Andrea, encore un truc à ajouter? Je peux rester ici. Si tu veux rester en standard? Ouais, tu peux me rappeler par contre, parce que sinon j'aurais peut-être forcé. Dis donc André, c'est nous qui t'appelons, t'es sérieuse? Ah, pardon. Bah oui. Andrea, tu sais, ouais, tu peux me rappeler parce que ça me coûte cher, alors que c'est nous qui l'appelons déjà depuis 30 minutes. Donc tu veux s'il te plaît. Ah oui, bah complètement, ouais. Tiens, voilà. Tu veux pas non plus qu'on te paye, tu vois, parce que comme on t'a dépensé un peu de forfait, hein, comme t'es nous qui t'appelons, tu veux pas non plus. Hey, Andrea, t'es digne de moi là quand même, hein. T'imagines, tu vas essayer d'en fumer un enfumeur? Ça va faire de la fumée tout ça. Tu n'y arriveras pas, je te le dis. Bon, Xavier, merci à toi d'être passé aussi. Et tu reviens quand tu veux. Et puis, tu vas pas bouger, on va te filer la nouvelle compil, le son d'Explore 2014 qui va arriver chez toi, Xav. Oh, bah c'est cool. Par contre, je peux juste dire une dernière chose. Bah vas-y, avec plaisir. S'il y en a qui écoutent, qui sont en internat, la meilleure chose à faire, c'est de remplacer le gel douce par du miel. Essayez. Essayez. J'en prends bonne note, même si on n'est pas à l'internat, la prochaine fois qu'on part avec Toff et Polo quelque part. Ça fait drôle. C'est... Parce qu'en fait, après le miel, ça colle et pour l'enlever, c'est vraiment la merde. Ouais. Bah, moi, j'ai l'antidote, hein. Vous inquiétez pas, j'essaye. Bon, bah très bien, Xavier. Merci à toi d'être passé. Reste là, la compil, le son d'Inflore 2014 est pour toi. Salut, Xav. Eh bah c'est cool, allez, à bientôt, ciao à toi, bye. Bon, et avant de parler avec Louis et ses soirées libertines, on va reprendre Fred aussi, hein, évidemment. Ouais. Fred. Alors toujours Fred, j'espère bien. Fred, donc qu'est-ce qui je vais te la laisser, hein, la colle. Alors écoute. Qu'est-ce qui se vide et qui se remplit en même temps? Qu'est-ce qui se vide et qui se remplit le en même temps? Le cerveau de Toff. Le cerveau de Toff. Non, il est déjà vide de naissance. Pas mal, bien vu, effectivement. Il y a Alexandre qui dit sûrement les couilles. Non, je vais déjà proposer ça. La réponse c'est la bouche de Sandro. Ah non, elle est toujours plaide à parler. Donc, Oui, ça c'est sûr, c'est Anthony qui a proposé. Il y a Mathéo qui dit les larmes. Non. Un ballon d'eau chaude. Non. D'eau froide. Les seins. Non. Un verre, c'est Romain. Non. Un bac hydroponique. Non. Oh, j'ai même pas le temps de terminer, tu me dis non. La mer. Non. Du lave-linge, c'est Quentin. Non. Une écluse. Non. Un moulin. Non. Une autoroute. Non plus. Il y a Steve qui proposait une chasse de toilette. Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah, si vous avez, vous, la bonne réponse, allez-y, hein. Vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L, les 4 lettres, espace votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et à vous, peut-être votre Xbox 360 avec le jeu Halo 4 et Tomb Raider. Et peut-être aussi d'ailleurs vos places pour venir avec nous au Paris Games Week. Ce sera le 29 octobre. Bon, bah, bonne chance tout le monde. Vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse au 64 900 pour, par SMS et au 63 22 pour la Belgique. Salut, Frédéric. Qu'on te récupère dans d'ici 20 minutes. Ok, y a pas de soucis. D'accord, je rappelle qu'on donne la réponse avant minuit 30 et que vous pouvez aussi d'ailleurs répondre et la lire sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikloficiel. Bon, Andrea, il y a un son que tu kiffes en ce moment ou pas, toi? Je connais pas. Martin Garrix. Martin Garrix. Tu veux qu'on écoute Martin Garrix maintenant ou tu préfères qu'on l'écoute d'abord avec Michael Moore avec White Walls? Martin Garrix. Martin Garrix. Eh ben écoute, on va te mettre Martin Garrix tout de suite. Voilà, Martin Garrix avec Animals. J'ai eu une chatte de le trouver rapidement. T'es trop fort. Ah non, je suis pas fort, j'ai eu la chance. Et juste après, on fera les teubés de la télé. Tu regardes souvent la télé ou pas, Andrea, toi? Ça dépend, ouais, des fois. Bon, on va se faire un petit best-of dans quelques minutes. Et puis le chéri, je peux te faire cocu qui va arriver aussi sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, il est minuit 5, y a pas de pub toute la nuit sur Fun Radio. Fun Radio avec Martin Garrix à l'instant. Et Andrea, ça va, tu l'as kiffé le Martin Garrix? Ouais. Ah, parfait. Bon, bah très bien, putain, je demande à Toff de me ramener un Coca Zéro. Il me ramène un Coca Zéro des mignons, tu vois. C'est-à-dire qu'il fait la taille. C'est-à-dire, j'ai juste assez pour mettre une goutte. Ouais, que j'ai pécho chez Air France ce week-end, merci d'ailleurs. Tu auras le goût et c'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal, ouais. Alors que moi, j'ai pensé à Toff, hein. J'étais dans le salon chez Air France, j'ai piqué du Perrier, des Schweppes pour Toff. Ouais. C'est-à-dire qu'il a assez pour toute la semaine, là. Et on lui a pris des croissants et des pains au chocolat qu'il a mangé après, mais il m'a dit, mais non, je n'ai rien eu. Ouais, c'est ça, c'est genre, il a rien eu, ouais. N'importe quoi. Ouais. Bon, Andrea, alors, on va parler des teubés, là, maintenant. On va parler de. Alors, téléfoot, tu connais? Ouais. Bon, tu connais téléfoot. Pas le foot, mais bon. Non, mais d'accord, mais tu connais quand même de nom au moins téléfoot. Ouais. Bon, très bien, parce que dans téléfoot, en fait, on sent qu'il y a Patrice Evra, donc il y a un joueur de foot justement, qui a été à l'école avec Franck Ribéry. Hein, ça, on m'a dit, il y a comment il s'appelle, Michel Fernandez. Luis Fernandez. Ouais, Luis Fernandez, c'est pareil. C'est Ménez ou Ménez avec un S, ouais, bon, bref. Lui, le jour qu'il arrivera à faire 8 jongles, j'arrête ma carrière. Comment il s'appelle, le tournevis, là, Roland Tournevis, là? Voilà, donc il était au taquet, hein, mais bon, il aurait quand même pu réfléchir un petit peu plus avant quand même de faire l'interview. Avant de parler surtout. Voilà, et puis dans 13h15 aussi, on a une meuf là qui nous explique le plaisir de dormir dans un cercueil. Oh, car oui, il y a des gens un peu bizarres. Est-ce que ça te ferait kiffer, Andrea, de dormir dans un cercueil? Pas du tout. Ah, bah écoute là. Il fait très chaud à l'intérieur, mais c'est plutôt douillet, mais j'ai l'impression d'être dans une chambre, dans le noir. C'est vraiment cette sensation, j'ai pas la notion du cercueil en fait. Ben voilà, j'ai pas le cercueil. Ben voilà, on est bien, bah, tant mieux. Bah écoute, oui, ben bah, ça m'étonne pas. Hein, mais ça pour m'étonne Halloween. Pas. Pour Halloween, c'est pas mal? Bah oui. Non, bah, si, pour Halloween, c'est plutôt bien, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis on n'est pas couché. Il y a Nadine Morano là qui nous apprend une petite information capitale. Une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, vous voyez. Ah, c'est normal, hein. C'est logique. C'est comme le vol de voiture n'existait pas tant que la voiture n'était pas créée, hein. Mais c'était le bon vieux temps. Attends, on va perdre Andrea là. Calme-toi, Andrea. Andrea? Elle fait une crise d'asthme, on va l'opérer. Attends, on l'amène directement, on l'amène avec l'ambulance spéciale. Je viens de t'envoyer, j'arrive. Voilà. Alors, pour... fais-lui du bouche à bouche. Non, non, parce que là, elle va casser, la pauvre. C'est pas bien, le but c'est de la sauver évidemment. Bon, on va parler de soirée libertine. C'est avec Louis maintenant, t'es là Louis? Toujours, bah tant mieux, Louis, sois le bienvenu. Alors qu'est-ce qui se passe, toi t'appelles de Tours? Ouais, voilà. Bon, qu'est-ce qui t'amène? On a toujours Andrea qui est avec nous, hein, elle a envie de rester dans le standard. Donc, bah ouais, non mais elle est bien. Elle a rien à faire ce soir. Bah ouais, et bienvenue les vacances. Bienvenue également à tous les nouveaux auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup. Je suis pas en vacances. Bah, ah bon, pour comment ça se fait, tu travailles? Ouais, je suis agent de blanchisserie. Agent de blanchisserie. C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire elle prend des billets. Ah, tu laves, d'accord, ok. Ah oui, agent, oui, d'accord. J'ai une question. Ouais, t'as une question, c'est-à-dire. Est-ce que tu t'occupes des chapeaux? Non. Ah, parce que en fait Polo a des nouveaux chapeaux, il cherche quelqu'un. Des draps, des draps. Ah non, et il cherche quelqu'un qui pourrait lui nettoyer son chapeau. En propre. Enfin les chapeaux, ouais. Voilà, au sec ou je sais pas, nettoyer à sec. Cher, je sais pas comment ça marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon voilà, donc si vous avez un plan, n'hésitez pas. Et puis je disais bon, bienvenue aussi à nouveau tous les nouveaux auditeurs, puisqu'il y en a plein qui nous ont écouté pendant que tu les joues au téléphone avec nous, Andrea, qui nous ont écouté pendant les grandes vacances. Et puis bah il y a eu les cours, donc ils en ont parlé avec leurs potes. Et puis bah comme on est diffusé la semaine de 23h. Deux heures, il y en a qui pouvaient pas forcément écouter, mais comme là c'est les vacances, et ben du coup il y en a plein qui écoutent. Tu es déjà au téléphone avec nous, Andrea. Il y en a plein donc qui nous écoutent donc pour la première fois ce soir, entre autres. J'en ai vu passer quelques-uns là en disant ah ben on en a parlé beaucoup pendant l'année, là je vous écoute pour la première fois ce soir et vous déchirez. Et ben merci beaucoup en tout cas, soyez les bienvenus. Et puis ben, continuez à prévenir vos potes également, ceux qui sont pas encore au courant. C'est dorénavant sur Fun Radio que ça se passe de 23h à 2h la semaine et de 20h à minuit tous les dimanches soirs. Bon, alors Louis, que se passe-t-il avec ta soirée libertine, toi? De quoi tu voulais parler? Alors, moi, j'ai fait une soirée libertine. Alors, je suis allé avec une amie. Ouais. La soirée commence bien. Je discute avec une... Non, mais explique-moi comment ça s'est passé. T'es arrivé, t'es rentré, t'as ouvert la porte. Ça, c'est intéressant, ça. Non, tu rentres, déjà, tu frappes. Ouais. Ouais, attends, c'est-à-dire, parce que donc, tu dis tu frappes, mais c'est-à-dire... Il y a un code. Est-ce qu'il y a un code? Non, c'était dans un appartement. Ah, c'est dans un appartement. Donc t'arrives effectivement, et donc tu frappes. C'est ça? Voilà. Parfait. Et t'attends qu'on t'ouvre. Donc là, t'attends. La personne n'ouvre, donc tu retapes encore une fois. Voilà. C'est ça? Très bien. Est-ce qu'il y a une sonnette? Non. Enfin bon, non. Là c'est un vélo, mais bon bref, pas grave. Et donc tu retoques. Voilà, c'est ça. Et puis donc quelqu'un ouvre. Voilà, il y a une personne qui t'ouvre. Oui, attends d'abord. Voilà, donc là la porte est ouverte et là tu rentres. Forcément. Donc là évidemment tu rentres. Et après donc, tu te mets à l'aise. D'abord on referme la porte. Oui. Voilà, donc je referme la porte. Voilà. Hop, j'en mets le verrou pour être sûr qu'il n'y ait pas un connard qui vienne, tu sais, un mec comme Toff, qui fourbe, tu sais, dès que j'ouvre la porte, hop, il en profite pour rentrer. Mais je devais être là, exactement. Ah, j'ai trouvé un pont-levis. C'est énorme, un pont-levis. Voilà, donc dorénavant, je suis dans mon château, faudra pas venir me regarder, je lève le pont-levis, là. Non, mais je vais le remonter, là, attends une seconde, je le remonte. Voilà. Je le remonte. Et je vous rappelle qu'il y a des crocodiles autour du château. Dans les douves. Voilà, exactement, ce n'est pas la peine d'essayer de nager. Il y a des crocodiles. Bon bref, donc tu es à l'intérieur, Louis. Et après, attends, on va de nouveau perdre Andrea. Andrea, tu fais de l'asthme? Oui, est-ce que tu peux prendre un peu de Ventoline? Non, ça va. Tu veux un peu de Ventoline ou pas? Ouvre la bouche. Attends, ouvre la bouche un peu, on va t'en mettre un petit peu. Voilà. Respire et garde ça pendant 10 secondes. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, tu peux recracher, vas-y. Une dernière bouffée. Voilà. Là, t'es mieux, là. Bah, c'est parfait, très bien. Bon, alors, du coup, donc, là, on est dedans, alors, et donc, après? On se met à l'aise et tout. On se met à la cool, quoi, tranquille, ouais, ok. Enfin, qu'est-ce que t'appelles à l'aise? Ouais, c'est quoi, à l'aise? Bah, tu restes pas complètement habillé. Mais d'accord, donc, quoi, tu te dessapes un peu. Voilà. Ok. À direct. Ouais, direct. Bah, oui. Ouais, mais tu gardes quoi? Bah, moi, j'avais gardé le pantalon. D'accord. Je pensais qu'il allait se mettre à l'aise, il est pas complètement bien, il garde les chaussettes, ses gants et son bonnet, quoi. Et une écharpe. Mais nu. Bon, et après, il se passe quoi une fois qu'on est rentré dans tout ça, là? Ah bah, au début, on fait rien. On discute, on picole avec les autres et tout, et quand ça commence à bien monter, bah là, on attaque. Mais t'attaques quoi? On est pas en train de faire un jeu, genre un ni oui ni non, hein. Tu peux y aller franco. Tu peux parler, hein, ici, y a pas de problème, hein. Tu peux tout dire. Ouais, hein. Dès qu'on commence à discuter et tout. Alors, il veut la meuf, il commence à me sucer la bite. Bon, n'abusons pas non plus. Bon, et donc, vas-y, continue. À embrasser et tout. Ouais. Et seulement, bah, moi, j'ai fait le coin, j'ai trop picolé. Et donc, tu t'es endormi? Donc, parce que moi, j'ai ça aussi. Quand je bois un peu trop, du coup, je m'endors. Bah, je sais pas. Attends, vous étiez combien? Le lendemain matin, je me suis réveillé à côté d'une belle brune. Ouais. Et quand j'ai soulevé la couette, j'ai vu que bah c'était monsieur et pas madame. Merde. Ah ouais, là par contre c'est embêtant. C'est oui. C'est dur. Pas de chance. Et il était bien dur, le mec? Je sais pas, j'ai pas regardé plus loin. J'ai vu l'engin, j'ai refermé. J'ai vu l'engin, j'ai refermé. Mais attends, vous étiez combien, lui? Pardon? Vous étiez combien? On était une dizaine. Ah ouais? Donc il n'y a pas que lui qui est passé sur toi. Ah non, non, mais t'as marché en cow-boy? Même pas qu'il est passé. Quand t'es parti, tu marchais cow-boy ou pas? Non, mais eux pas. Bon, écoute, alors mais c'est quand tu chies, t'as ça. L'impression que ça coule plus vite qu'avant. Oh, merci, oh, non, toi, ça ira, ferme ta gueule, oh là là. La diarrhée, je la sens même plus passer. Non, merci de surenchérir, tiens, c'est intéressant. Merci, ça. C'est gentil de pas m'avoir laissé tout seul. Bon, il y a Samuel aussi qui dit vive la ventoline. Bah évidemment, t'inquiète pas, on l'a ici, hein. Voilà. Ouais, j'ai failli mourir. Hein. Mais t'as vu, ça va mieux maintenant. Il y a Clem qui dit aussi putain, Andrea, achète-toi un rire. Il y a GTR qui dit l'histoire en détail. Let's Be Freaks, il y a Owen, un bouche à bouche avec Toff. Ouais, mais un peu barré, Let's Be Freaks. C'est pour ça qu'elle aimerait bien le bouche à bouche avec Toff. Dans un cercueil. Merci, j'allais mourir aussi. De quoi? J'allais mourir aussi avec un bouche à bouche avec Toff. Ah oui, non, mais on te confirme que tu pouvais décider à tout moment, évidemment, oui, tout à fait. Voilà. Et il y a Lilou qui dit aussi, je voulais être trop comme elle, je l'ai tenue, mais j'ai pas sa tête. Je me souviens pas de Britney. Ah oui, de Britney Spears, effectivement, mais ça date déjà, hein, le message, c'est pour ça. Non. Bon, Louis, on va parler avec toi dans quelques minutes. Du coup, est-ce que vous avez déjà fait des soirées libertines, vous là-bas? Venez nous en parler. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, le 02 851 4x0. On en parle dans quelques minutes. Tu restes avec nous, Louis? Il n'y a pas de problème. Bon, c'est parfait. Il y a également Anthony avec nous. Anthony, 16 ans de la Tour du Crieux. Ça va, Anthony? Oui, ça va et vous? Bon, bah, bienvenue. Bah oui, on va plutôt bien, hein. Plutôt bien, plutôt tranquille, à la cool, quoi. Bon, Anthony, alors, de quoi tu... Ah oui, tu voulais nous parler de ta journée de glande, puisqu'en début d'émission, j'avais demandé si vous aviez... qu'est-ce que vous aviez fait aujourd'hui pour cette première journée de congé, pour ceux qui sont en congé, justement, hein? Ouais, bah, je suis resté sur mon canapé et j'ai dit toute la journée, quoi. Ouais, en même temps, à la Tour du Crieux, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, parfois, effectivement. Ouais. Anthony, il se passe quoi? C'est la guerre chez toi? Ouais, dans sur un bateau là. Hein, il fait les courses. T'es en bateau là? T'es sur un jet ski? Non, là, je suis en direct du cabanon de chez Guigui là. Cabanon de chez Guigui. Non, mais si t'es chez Guigui, alors tout explique, effectivement. Ouais. Non, mais tu peux pas te mettre dans un endroit où il y a moins de bruit ou moins de vent ou je sais pas. C'est horrible. Ah, ouais, tu peux pas aller chez Momo plutôt? Parce que chez Guigui, c'est un peu vent. Chez Momo, il fait chaud. Chez Guigui. Il est pas là, c'est bien. Attends, tu as dit quoi? Parce qu'on marche, c'est parfait. Ouais, mais attends. Bon. Ça a mieux, Anthony, ouais, très bien. Ah, voilà. Bon, en gros, t'as rien foutu de la journée, quoi, c'est ça que t'essaies de me dire. Non, ouais, j'ai rien foutu, quoi. Oh putain, quel jeu. Ah, bah t'as joué à GTA, bah c'est le principal, hein. Voilà. Oh, une journée de rêve, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, il en faisait tous les jours, des comme ça. Oui, mais il y a un moment tu te ferais chier, je pense, hein, quand même. Hein. Ouais, je pense aussi. Ouais, je crois aussi. Ouais, en cherchant du boulot, j'ai attendu. Bah tu mais oui mais c'est normal. Bon et donc du coup toi t'es comme ça chaque année, Anthony là, 2 semaines là. Ouais voilà c'est ça. Bon bah deux du coup semaines. Tu vas en profiter, tu vas nous écouter jusqu'à 2h tous les soirs. Voilà c'est ça, je vous appellerai tous les soirs aussi. Bon bah si tu veux Anthony, pour bah, ouais, c'est quoi on demandera tous les soirs on va t'appeler pour te demander ce que t'as fait de la journée tiens. Ouais mais trouve ça des choses intéressantes à faire parce que là c'est chiant quoi. Ouais oui c'est joué en GTA exactement ouais. Bon bah demain Anthony hein. Demain. Bon, et profites-en, on va te filer la compile le son Dance Floor 2014 là, qui est sorti aujourd'hui. Là. Allez la choper hein, avant qu'il n'y en ait plus la compile du son Dance Floor. Avec et plaisir, Anthony. Ce serait possible de faire une dédicace si ouais, vous vas-y, à une personne. Bah, vas-y. Une dédicace ma mère Nathalie qui est devant le canapé en train de m'écouter. Très bien. Voilà, merci. Avec plaisir. Salut Anthony, à bientôt. Allez, au revoir. Allez, bonne soirée à toi. Et puis, bah, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. On va récupérer Fred une dernière fois avant de donner la réponse. Toujours là. Fred pour la colle. Je rappelle, attention donc que Fred va poser une colle. Enfin, il l'a déjà posée, mais il va la reposer. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il est tiré au sort, il repart avec la Xbox 360 toute neuve avec le jeu Halo 4 et le jeu Tomb Raider. Et si personne ne trouve la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle ne décroche pas, c'est toi qui gagne, Fred. On y va? Alors qu'est-ce qui se remplit et qui se vide en même temps? Alors qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps, c'est pareil. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y a Sandra qui dit les poumons. Ah oui, c'est pas mal ça. Non. Un estomac. Quoi tu dis qu'est-ce que tu dis? Un estomac. Un estomac. Non, c'est pas ça non plus. Kelly qui dit pour le jeu Xbox, ma réponse idiote, mais bon, les testicules. Ah, j'avais déjà proposé Kelly, hein, donc c'était pas si con que ça. Un commerce, genre boîte, supermarché, etc. Non. Une baignoire, bah non. Non plus. Bon, un vérin pneumatique ou hydraulique, double effet. Non plus. bon, très bien. Non, mais c'est pas ça. J'aime bien le double effet, tu vois. Bien en détail. Pour oui, mais c'est pas... Bah d'accord, ok. C'est vrai que c'est pas Tof qui l'a dit, mais au final, je il le mérite. Rien, moi. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, si vous avez la bonne réponse, dernière ligne droite pour tenter de choper la Xbox 360 avec évidemment les deux jeux, Halo 4 et le jeu Tomb Raider. Il faut envoyer simplement M-I-K-L, espace votre réponse, au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. La réponse donc à la question suivante, qu'est-ce qui se vide et se remplit en même temps, Fred? La prochaine fois qu'on t'appelle, on saura si tu gagnes ou pas. Ah bon, on verra bien. Eh ben, je te le souhaite en tout cas. Salut à toi, Fred, à tout de suite. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, très bien. Et puis Andrea, bah, bouge pas de là, on va s'écouter Michael Moore du coup avec White Wolf. C'est bon là? Ah ouais, parfait. Ok, très bien. Tu es déjà au téléphone avec nous, Andrea? Ce n'est pas la peine de recomposer bon, le numéro. Je touche au téléphone. Oui, mais attention. Bon, et puis Jess également là qui voulait réagir à Louis. Jess et François pour pour les soirées libertines. Salut Jess. Salut. Comment ça va, okay, Jess? Ça va et vous? Ça va tranquille. Ça va tranquille. Bon, Jess, bouge pas de là. On va te récupérer avec Fred. On va te récupérer avec François qui est là également. François, t'es là? Ouais, je suis là. Parfait. On va parler de soirée libertine également avec toi. Ouais, tout à fait. Bon, parfait. Alors François, reste avec nous. On va se faire aussi le chéri, je peux te faire cocu, sera avec Héloïse dans quelques instants. Et puis le son de Michael Moore maintenant au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. C'est White Walls. I wanna be free. I wanna just live. Le son de Michael Moore à l'instant sur Fun avec White Walls. Je vous rappelle également, puisqu'on en parlait, d'Halloween qui va débarquer d'ici peu, 31 octobre évidemment. Halloween, il y aura la peur sur le parc. Ce sera donc au parc Astérix. Et si vous voulez choper vos 4 places pour aller au parc Astérix, c'est facile. Vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, pour tenter de choper justement vos 4 places pour le parc Astérix. Et vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'avez pas internet. Vous envoyez M-I-K-L espace Astérix et vous envoyez ça au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, donc M-I-K-L espace Astérix au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, et alors donc sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. Je vous l'avais promis, nous allons faire maintenant le chéri je peux te faire cocu, et pour jouer évidemment au chéri je peux te faire cocu, nous accueillons évidemment Héloïse qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va pour bon, l'instant. Tant mieux. Bon, t'appelles pourquoi toi? Pour le chéri, est-ce que je peux te faire cocu? Exactement, chéri, je peux te faire cocu. Mais oui, nous allons faire ça maintenant avec grand plaisir. Ah oui, bon, oui. Héloïse, plaisir du lundi. Eh oui, Héloïse, tu as 32 ans toi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bon, on y va, donc on va l'appeler. Alors le principe, donc où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer récemment? À la part Dieu. À la part Dieu. Il y a une semaine. D'accord, à Lyon, centre commercial, très bien. Voilà. Bon, tu vas dire que homme d'affaires. Voilà, je suis un homme d'affaires. Je t'ai rencontré, on a bu un verre, je t'ai invité en attendant mon train, par exemple. Et donc je t'ai invité à boire un café. On a discuté, on a sympathisé. Donc lui dis pas qu'on a couché ensemble parce que ce n'est pas vrai. Non, hein, non. Juste. Oui. Voilà. Juste que je t'ai proposé de venir à mon hôtel, voilà, c'est ça. Et de coucher avec toi ce soir, juste un soir, et puis voilà quoi. Donc moi je serai derrière, t'inquiète pas, je serai Michel au taquet comme d'habitude, ok? Ok, et bon. Tout Eh ben écoute, on y va, on l'appelle, bonne chance. Et et au plus il s'énerve, au plus t'as chance de repartir avec les cadeaux. Caméra numérique a gagné cette semaine, Héloïse. Super. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien. Mais se oui, mais oui. Et nous, on est derrière, hein, t'inquiète pas. On va surtout bien se marrer. Bah oui. Et si jamais je te parle mal, n'aie pas peur. Oui. C'est normal, c'est un macho. Allez. Allô. Allô, Fabien. Dès le début. C'est Héloïse. Je t'appelle. D'abord, ça va? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Je t'appelle parce que je voulais t'avouer quelque chose. Tu te rappelles la semaine dernière, j'ai été me promener toute seule à la gare Pardieu, enfin au centre commercial. Ouais. Ouais, tu te souviens? Et oui. En fait, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Ouais. Et en fait, il m'a invité à boire un café. Ah bon? Oui. Et c'est un homme d'affaires. Qui voyage beaucoup, il s'appelle Michel, ouais. Ah bon. Et on s'est beaucoup plus, et voilà, et puis en fait comme il voyage énormément, et il m'a proposé en fait de coucher avec lui, donc je te demande l'autorisation. Mais t'es malade toi, non? T'as un grain dans la tête là. Ah, qu'est-ce et qu'il dit? Ah mais en plus il est avec toi là. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce qu'il dit quoi? Héloïse, est-ce qu'il est d'accord? D'accord quoi? Il couche quoi avec qui? Il a couché avec sa mère lui. Attends, mais passe-le-moi si tu veux. Ouais, bah passe-le-moi. Ouais, je te passe Michel. Il s'appelle Michel. Parfait. Ouais. Allô ? Oui. Bonjour. Ouais, à qui ai-je l'honneur ? Ouais, à Fabien, que tu veux là ? Bah, je comprends pas, c'est apparemment c'est vous qui vouliez me parler, donc Ouais, tu parles à qui là ? Tu parles à ma femme comme ça là ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Tu veux pousser avec ma femme ? Oui, non mais c'est-à-dire qu'en fait on s'est bien entendu si vous voulez. Donc moi je passe je fais quelques tours à gauche à droite un peu partout en Europe. Ouais, parfois je pars au United States of America et voilà. Mais quoi ? Mes couilles, moi je suis déjà français, et alors ? Non mais je vois pas le rapport. Non mais quoi ? Mais non mais alors c'est-à-dire qu'en fait moi je l'ai juste trouvé charmante, c'est plutôt un compliment. Ouais, et alors ? Bon, et donc du coup je me suis dit moi je savais pas qu'elle était avec toi ou mariée, enfin je sais pas si vous êtes mariée. Ouais, donc moi je lui dis moi je commence à la séduire, elle me dit ah mais attends parce que j'ai quelqu'un, je fais ah bon. Donc moi je lui propose de coucher avec elle, me dit ah bah je peux pas, j'ai mon mari. Bah je dis bon bah d'accord, c'est normal, respect. Et puis je lui dis bah écoute au final, t'as qu'à lui demander, demande-lui s'il est d'accord. Donc du coup je l'ai invité, donc là elle est à mon hôtel et l'hôtel où là ? Bah je suis à Lyon. À Lyon, mais où à Lyon ? Bah on verra, on va voir comment on s'entend d'abord et après je te le dirai. Attends, t'es malade, toi t'es avec ma gonzesse, t'es dans un hôtel. Non parce que là elle était un peu bouillante, elle est déjà en petite tenue, mais je lui dis calme-toi quoi. Mais déjà toi tu as envie de te calmer, espèce de gros con, parce que t'es. Non mais attendez, un peu de respect, enfin bon. Mais écoutez. Mais quoi, un peu de respect quoi ? Mais tu sais pas qui tu parles ? Je me permets de te tutoyer, mais tu sais pas qui tu parles ? Mais tu sais pas qui tu penses aussi, tu sais même pas. Bah si, moi je parle à Fabien. Mais c'est quoi, je vais descendre, mais c'est quoi, je vais t'accrocher derrière la voiture, je vais te tirer, je vais te faire bouffer le béton, toi. Jusqu'à Fabiani ? Hein ? Jusqu'où vous allez me faire bouffer le béton ? Mais tu sais pas qui tu parles, toi. Mais si, je parle à Fabien. Bah écoutez, un peu de respect. Fabien, et alors ? Un peu de respect, quand même. Quoi, je suis en voiture, c'est quoi ? Héloïse, je te le repasse. C'est d'accord, on a discuté ensemble. Ouais, mais vite, il est OK, hein. Il est d'accord. Ok, bah y'a pas de soucis. Oh, quelqu'un m'entend, mais m'écoute ou pas là ? Mais calme-toi ! Attends, tu demandes autorisation, c'est déjà bien ! Non, mais y'a pas de soucis, mais tu vois, j'aurais préféré que tu me demandes même pas que tu fasses ça derrière. Héloïse ! Oui, Michel ! Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a ? Et puis, il te rend compte de la chance que tu as quand même. Quoi ? Ah ouais, de me faire... de me faire concubin ! J'ai la chance ! Bon, écoute, repose-toi deux secondes. Allô ? Quoi ? Qu'est-ce que tu me veux toi encore là ? Oui, dis-moi juste un petit truc, c'est vrai cette histoire ? De quoi ? Non, parce qu'en fait, elle m'a fait un compliment. Ouais. Et parce que si tu veux, donc quand j'avais été la dernière fois à Los Angeles, j'avais eu un petit accident et donc du coup j'ai dû me refaire le nez. Et m'a dit que mon nez était vachement plus beau que le tien. Toi t'avais un gros pif, un gros tarin. Ouais, il est comme ma queue, tu vois, il est aussi grand que ma queue. C'est vrai ? Ouais, mais je vais te la mettre dans le cul, tu vas commencer à le faire, toi, c'est pédé, va. Bah, non, moi ça m'intéresse pas, hein, mais si tu veux, si tu cherches des hommes, moi je peux t'en présenter. Hein. Je vais te faire cuiner, moi, comme parce que la dernière fois, si tu veux, moi je connais tout le quartier gay quand j'étais à New York. Ouais. Et si tu veux, je peux te présenter des gens, il n'y a pas de problème. Gaston, moi je m'appelle Michel. Ouais, bah Michel, tu enchanté. Tu crois que t'es un homme d'affaires, que tu fais des voyages, que tu mets. Non, mais t'es malade. Bon, écoute, si tu veux, attention, tu sais pas qui tu parles. Ouais, mais moi aussi, mais attends, mais tu quoi, je te connais. Non, parce qu'il faut quand même savoir que je suis client Platinum sur beaucoup de compagnies aériennes. Ah ouais, et alors ? Mais t'es pas Platinum de mes couilles, mais je m'en bats les couilles de ta vie. Moi, quand j'arrive dans un aéroport, on me met le tapis rouge. Je passe business devant tout le monde. Ouais, mais moi aussi, c'est pareil. Quand je vais dans une boîte, on me déplie le tapis rouge. On s'en fout des boîtes. Qui va là, à part les bouffons ? Ouais, mais c'est comme toi. Et tu rentres dans les boîtes avec ton gros nez ? Et moi, je t'emmerde, bien sûr que je rentre. Mais toi, t'es avec ta gueule que bientôt, tu vas plus rentrer dans les boîtes. Ah, mais peu importe. Mais je serai toujours bien bon client des compagnies aériennes. Mais je vais te défoncer, ils vont plus même pas te reconnaître. Mais je vais te défoncer, espèce de baltringue que tu es. Héloïse ! Écoute, il est charmant, hein, je comprends pourquoi tu m'as dit qu'il était désagréable. C'est quelqu'un de très gentil. Quoi, mais c'est toi que tu commences vraiment à être désagréable. Absolument, je t'en avertis. Mais non, mais il est très gentil, écoute, il est très cordial. Est-ce que tu veux que je l'invite à boire un petit verre au bar de l'hôtel ? Vas-y, pourquoi pas ? Bah oui, plus on est de fous, plus on rit. Bon, bah d'accord. Alors, allô Fabien ? À Fafa ? Ouais, non, mais déjà, c'est... Attends, on n'a pas levé les consentements, c'est pas une consentement. Bon, dis donc, je t'appelle comme je veux, hein, un bébé. Non, mais un babin. Fafafaf, bébé, un. Ça fait Fabien. Non, connard, tu m'appelles pas comme ça. Oh, dis donc, un petit peu de respect, hein. Déjà, je rappelle que je suis client Platinium dans plusieurs compagnies aériennes. Écoute, c'est quoi, regarde, tu veux jouer dans la cour des grands? Dis-moi. C'est ça, tu veux jouer dans la cour des grands? Eh ben écoute, c'est quoi? Dis-moi où t'es, je te dis, j'arrive. Bah, attends une seconde. Oui, attends, je vais demander au monsieur de la réception. C'est quoi, t'as intérêt de te cacher, mon pote? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse, le numéro de l'hôtel, s'il vous plaît? Le numéro, c'est-à-dire de téléphone? L'adresse. Alors, l'adresse, oui, oui. Donc c'est 5. Oui. Hein, dans vas-y, le... vas-y. Ah, attendez, je vous attends. Ouais. Est-ce que les personnes au gros nez peuvent rentrer? Je ne comprends pas votre question, monsieur. Parce que j'ai un ami, en fait, il a un gros nez. Oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut rentrer dans l'hôtel ou c'est interdit? Parce que j'ai vu que les animaux ne pouvaient pas rentrer. Je ne comprends pas votre question, monsieur, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un au gros nez peut rentrer dans l'hôtel, quoi? Malheureusement, il semblerait que non, monsieur. Ah. Mais attends, mais... Ah, excuse-moi. Attends, dis au mec de l'hôtel, là. Fabien, moi je vais arriver. Fafa, c'est toi. Attends, Bibi, tu m'écoutes? Tu m'écoutes là? Oui, j'écoute. Parce que tu fais le bonhomme. Écoute, même ton mec là d'hôtel là, je sais pas qui là, ton bouffon là qui est en train de te lécher les pieds là. Ah non, mais pas du tout. C'est la personne qui gère l'hôtel, ça l'accueille. Ouais, ben lui aussi, c'est quoi? Je vais le défoncer. Je dis, il va m'interdire quoi d'entrer dans l'hôtel? Mais je vais défoncer toi, elle et l'autre. Mais tu m'as pris pour qui là? Mais pour quelqu'un qui a un gros nez? Ouais, mais écoute, non mais attendez, je ne comprends pas pourquoi vous énervez, monsieur. Quoi? Non, je ne comprends pas. Attendez, excusez-moi, je vous repasse le monsieur de l'hôtel. Ouais. Vas-y, passe-moi le mec de l'hôtel, passe-moi-le. Je vous emmerde. Ah, tu m'emmerdes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est qui m'emmerde là? Non mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Je viens de vous le passer, moi j'étais pas là. Il a rien dit là, il a dit juste t'emmerdes, je sais pas quoi là. Mais comment ça? Bon, enfin, je suis dans un hôtel de luxe, il va quand même pas être désagréable. Mettre ma bite dans ton trou du cul. Du quoi? Tu vas mettre ma bite dans ton trou du cul, toi? Enfin, un petit peu de respect, pourquoi vous me dites ça? Hein? Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Ah, l'autre, qui c'est qui m'a dit il va mettre la bite dans le trou du cul là? Tu peux être gratté, gros con. Mais viens me gratter! Mais attends, mais viens me gratter! Attends, bouge pas, je vais allumer une clope. Non mais arrête, non mais c'est mauvais pour la santé, Fabien. Je t'emmerde, moi je fais ce que je veux dans la vie. Mais non mais attends, mais c'est mauvais pour la santé, il faut arrêter de faire ça là. Oh, je t'emmerde, et toi c'est pas mauvais ce que tu vas faire là? Mais non! Mais non! Tu vas te faire foutre et puis c'est tout, que tu me casses les couilles là. Ah mais moi je te casse les couilles, mais attends, attends, passe-moi le téléphone là, il me parle derrière. Attendez, je vous le passe. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah ouais, mais je vais te démasquer ton fils, espèce de pédé là. Je vous emmerde. Ouais, ben moi je t'encule. Moi je t'encule, espèce de pédé. Écoutez, excusez-moi, mais vous êtes quand même très vulgaire. Ah ouais, mais là tu crois, tu m'as mis sur attention, je suis à 100% tu vois mon pote. À 100%? Ouais, ouais. Bon, écoute, alors tu sais quoi? Ce qu'on va faire. Non, voilà. Ouais. Écoute, c'est vrai que là, il est quand même tard. Je vais bientôt, je vais certainement aller dormir. Demain, je dois prendre. Dormir dans une chambre tout seul. Parce que demain, je dois prendre un flight. J'ai un flight à 6h30 de Saint-Exupéry, tu vois, jusqu'à Charles de Gaulle. Ensuite, Charles de Gaulle, je vais jusqu'à New York. Puis j'ai une escale, je repars sur Boston. Et Boston, je vais à Los Angeles pour arriver à Hong Kong. Donc j'ai beaucoup de routes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rien faire avec ta femme ou ta copine, je ne sais pas. Et t'as intérêt. Mais en échange. Bon, en échange, il n'y a pas d'échange. Parce que tu m'as quand même bien insulté. Donc en échange, parce qu'on est potes, tu vois, comme voilà, tu vois, on est frères, hein, bro. Non, t'es malade. Yeah, bro. Malade. Ok. Tu me dis, ok, je m'excuse et on en reste là, voilà. De quoi moi, tu veux que je m'excuse? Bah oui, c'est parce que c'est toutes tes insultes. Mais non, mais t'es malade. Mais du coup, je vais m'excuser quoi? Mais attends, tu comprends pas le français, toi. Non, mais je comprends pas. Mais mets-toi sur la piste, fais-toi rentrer la viande dans le cul, mais tu te prends pour qui toi? Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, je vous demandais de vous excuser, comme ça on en restait là. Non, mais t'es malade, moi je vais m'excuser, mais non, attends. Donc je couche avec ta copine alors? Mais je vais t'éclater la bouche toi. Non, mais c'est parce qu'il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de lien à l'autre, c'est que tu donnes l'adresse au flic, moi je vais venir, et tu vas, et là toi tu vas me faire des excuses devant moi. Non, c'est... Vous excusez, on en reste là. Mais non, mais t'es malade. Mais moi, bon, écoute, je te repasse ta copine. Ouais, vas-y, passe-moi là, ce connard. Oh, dis donc, t'aurais pas dû venir comme ça, là, seins nus et tout. On est avec ton téléphone. Arrête, c'est bon, allez, arrête. Bon, arrête, écoute, arrête, je te la repasse. Tu veux que je te fasse un petit massage en attendant? Va te faire enculer. C'est lui, là. Ça vient, t'es nerveux, merde. Oh, tu veux faire ta gueule, toi. Comment j'énerve pas, quoi? Tu te fais Attends, mais... attends, les gens te demandent l'autorisation, c'est gentil. Eh oui, c'est gentil. Oh, qu'il est bête. Et on lui propose ça et il répond pas. Qu'est-ce qu'il est bête? Attends, il n'a pas compris, le pauvre. Oh, qu'il est bête. À ce jeu-là, écoute, pourquoi tu viens de me mettre l'attention là? Oh, qu'il est bête. Quoi, ton pélo là? Oh, qu'il est bête. Il s'appelle Michel, hein, c'est pas mon pélo. Non, mais, ouais, mais je m'en bats les couilles. Oh, qu'il est bête. Je sais pas qui, ou même si t'appelles ou Christian. Tu dis, c'est quoi? Reste là, je vais descendre. Et même le mec d'hôtel là, qui m'a dit. Bah attends, déjà, bah écoute, si tu veux, au pire, on fait un plan à trois. Moi, je suis d'accord. Ah bah voilà, en plus, Michel est d'accord. Si tu me permets, moi aussi. Oui, bah merci, monsieur. Écoute, c'est quoi, on va faire un plan à trois? Moi, tu vas me laisser avec lui là dans une chambre. Et moi, je vais faire un plan avec lui. Ah bah non, est-ce que t'as une paire de seins? Ouais, mais tu vois, mais j'ai autre chose, j'ai une paire couille, tu vois comment je vais te la faire. Oh, comment il se la ramène? Mais t'inquiète pas, c'est rien. Dis donc, Héloïse, il m'a l'air un petit peu énervé, il s'énerve rapidement, hein. Ah non, mais attends, mais tu te prends pour qui, toi? Mais t'es avec ta gonzesse, machin. Attends, ça fait combien de temps que ça dure, cette merde, là? Ah mais on s'est rencontrés la semaine dernière, c'est la première fois qu'on se voit. Mais oui, on a encore rien fait. On est tombé follement amoureux en plus. Ouais, follement amoureux, mais dis-lui je vais être amoureux de lui là, bientôt là. Ah bah c'est parfait. Je vous emmerde. Ouais mais dis-toi, tu parles derrière là. C'est le maître d'hôtel, je sais pas quoi là, qui dit qu'ils emmerdent là, non? Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ouais, mais moi je vais te montrer si je suis démasqué aussi. Non bah c'est bon alors, je peux pas. Bon, arrête, allez. Bon Fabien. Non mais quoi, Fabien. Mais dis-lui qu'il arrête. Fabien. Ouais. Oh. Ouais, dis faire ça. Dis-lui. Oh. Ouais. Hey. Ouais, Thomas. Bon, c'est fini maintenant ce cinéma là. J'ai là qui aimerait dormir. Ouais, mais c'est toi qui va arrêter ton cinéma là. Bon. Hein. Alors, bah oui, on va l'arrêter. Allez, on l'arrête, Héloïse. Ouais, je crois que c'est bon. Ouais, il vaut mieux là. Prends tes affaires et pars là. Mais non. Oh là là. Bon. Tout de suite, c'est tout de suite ce cinéma. Bon. Dis-lui. Oh merde, attends, parce que le repas de l'hôtel était pas très bon là. Ouais, mais allez, c'est bon. Ouf. C'est bon, arrête. Oh, je suis désolé, hein, mais. Fabien, t'es toujours là? Ouais, non, je suis là, mais attends, mais. Bon, Fabien. Fabien. Ouais. Reste calme. Ouais, mais non, je reste calme-toi. Non. Non, mais calme-toi. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Ça va Fabien? Oui, ça va, oui. Bah parle un peu plus fort, on t'entend plus tout le coup là. Oui, ça va. Non, mais vous... Oh, ça confiant, va, c'est moi, pour c'est rire. T'inquiète pas, elle est chez elle et moi, nous, on est chez nous. Je sais pas ce qu'il a compris vraiment. Bon, t'es sur Fun Radio, Fabien, c'était le chéri, je peux te faire cocu. C'est pas vrai. Si. Bah, t'aurais préféré que je te dise en fait non, je suis avec ta meuf, je vais la mettre sur le lit là. C'est une blague, laisse la tension partir. Voilà, reste tranquille. Oui, allez, regarde, il va te masser un petit peu, le maître d'hôtel, il va te masser un peu là. Mais oui, viens là mon petit. Voilà, petit massage, tu vas voir, tu vas être bien. Permettez-moi monsieur de vous mettre à l'aise. Plus, mais oui. Pauvre Fabien, t'es une salope Héloïse quand même. Ah ouais, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh là là, mon dieu. Ah ouais. Oh là là. Oh, ça va, ça va mieux, c'est plus détendu. Ah ouais, non, mais je suis dans toutes mes tensions là. Ah bah ouais, mais l'homme de fois, il aura pu traiter de. Va te faire enculer, salope. Voilà, c'est tout ce que tu peux mais dire. Mais il l'a dit, oui, je crois. Effectivement. Bon, et bah du coup, on va vous filer. Bah, il y a l'appareil photo numérique ou alors des places pour aller au parc Astérix. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez, vous voyez avec Sandro au standard, d'accord? Oh, d'accord, il n'y a pas de souci. Bon, mais de toute façon, on va filer le cadeau à Fabien, évidemment, c'est normal. Hein. Oh, c'est putain, merci. Bah, lui, il est tellement content que ce soit une connerie au final que lui, au final, il s'en fout, c'est bon. C'est un peu ça le cadeau. Bon, bah, merci à vous en tout cas, vous revenez quand vous voulez sur Fun, à bientôt. Hein. À bientôt. Bon, et il y a plein de messages aussi qui sont arrivés. Il y a Sullivan là pendant qu'on faisait le chéri, je peux te faire coquer, qui me pétait de rire. Trop fort le chéri, je peux te faire coquer. Il y a Mathias aussi qui dit, je peux me permettre. Moi aussi, Toff, il m'a vendu du rêve. Oui, en maître d'hôtel. En maître, oui, mais c'était je parfait. Crois pas. Exactement. Ah, allô. Ils ont buté les deux. On va se le remettre à l'occasion ce canular là parce qu'il il m'a trop fait barrer. On l'a diffusé jeudi en direct. J'adore. Et puis bah on l'a rediffusé hier soir. Et même en le réécoutant, ça me fait toujours marrer. Il y a Jeff aussi qui dit oh putain je suis mort de rire. Tony qui dit le top du top de l'appel du chéri, je peux te faire cocu, l'un des meilleurs. Il y a Mathias qui celui-ci, chéri, je peux te faire cocu, est juste mythique, le meilleur que je n'ai jamais entendu. Vendeur de rêve, Mika, bah, c'est gentil. Hey, entre le meilleur canular qu'on a fait jeudi et le meilleur cocu de ce soir, on est pas mal, on est pas mal. Et Kawet qui dit on est frère. Non, j'ai pas dit dead, j'ai dit bro. Bro. Hey bro, comme brother. Et puis Lorine qui dit oh putain les gars, le gars il pète un plomb. Il y a Alex qui dit putain comment je me tape des barres là. Le rageur de la mort avec qui il a un gros nez. Oui, en plus il n'aimait pas le fait qu'il a un gros nez, donc ça l'a un peu énervé. Et le prince il y en a qui dit je pense qu'il est utile de rappeler qu'un appel masqué peut être démasqué. Mais je suis assez d'accord avec toi effectivement. Hassan qui dit aussi pété de rire, fa fa fa, bibi bi, oh, oh, oh, pété de rire. Et puis Stéphanie qui dit ta gueule salope, je vais aller niquer ta mère ou ta soeur. Quelle violence. Et Ludovic qui dit trop bien chérie, je peux te faire cocu. Enfin, il y en a beaucoup les messages là. Les gens aiment bien traîner Michel et Toff derrière une voiture apparemment. C'est leur kiff, c'est leur kiff. Il y a GTR qui dit le gars il en peut plus. Blood qui dit jusqu'à Fouriani, mort de rire, je suis mort de rire. Let's be free qui dit eh oh j'adore. Et puis Kawel qui dit ils parlent tous de vous accrocher à leur voiture. Oui mais c'est bizarre, hein, je comprends pas effectivement. Les le gens problème. Ont des passions bizarres. Mais oui c'est ça. Nenesou qui dit vous m'avez tué, j'ai les larmes aux yeux, mort de rire qu'elle veut. Non, je suis plié, j'en peux plus. C'est Arnaud. Michel l'américain, c'est indissociable. Oui, j'étais American dans ce canular là. Et celle 23 qui dit pour cette phrase coup de pelle chez Momo, il fait beau chez Guigui, il y a de la pluie. Ah oui, ça c'était Polo qui avait dit ça tout à l'heure effectivement. Et coup de pelle, il l'a bien mérité. Bon, on va revenir avec François, avec Andrea, avec Jess également, avec Louis qui voulait parler donc de soirée libertine et puis avec la réponse également à la colle de ce soir sur Fun Radio. Le temps d'écouter le son de Magnan sur Fun Radio et Flor Faila. C'est Just Another Night sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Il est 1h15, c'est la nuit sans pub et c'est Mickaël No Limit. Juste sur Fun jusqu'à 2h. C'est Fun Radio, allez, bienvenue si vous venez débarquer avec Magnan à l'instant. Il y aura aussi Backer Matt avec Van Dyke. Je vous le cale dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis il y a quelqu'un qui a demandé si j'avais perdu le son de Bose avec Bose. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus mis celui-là. On va s'en remettre dans quelques minutes, tiens. Où est-ce qu'il est celui-là? Faut que je le retrouve. Effectivement, je l'ai perdu, c'est bien pour vous dire. Alors, où est-ce que je l'ai foutu ce Bose avec Bose? Je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis, hein. Ah, il doit être là pourtant. Ah, si, il est là. Voilà, Bose avec Bose. C'est vrai que ça fait longtemps, tu vas le remettre ce soir, ça fait un bail. Voilà, il n'a pas signé celui qui voulait qu'on le mette, mais bah écoute, pas de problème, avec plaisir. Bose avec Bose, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio, donc restez bien là. Et puis on va refaire un appel également là. Oui, oui, oh là là, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'avait plus fait des appels aux gens. Ça fait longtemps que je me suis pas fait insulter. Bah oui, et puis la grande question du soir, c'était donc, est-ce que vous êtes content de votre sexe en termes de taille, les garçons? La taille vous plaît? Voilà, donc on va appeler maintenant. Bah écoute, tant mieux, j'ai envie de dire. Si vous avez des numéros de personnes encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas bien entendu à partager. Vous envoyez vos mails avec les numéros de téléphone sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. On y va, on en appelle un ce soir. Bonjour. Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais connaître la taille du sexe de votre mari. Plus grosse que la tienne. D'accord, mais ça fait combien en centimètres? Et dommage. Il faut savoir que pendant que nous, évidemment, on rigole derrière, eux ne l'entendent pas. Ils n'entendent que Toff, bien entendu. Hein. Sinon, évidemment, on se ferait griller très rapidement. Bon, on y va en rappel? Mais oui, allons-y. Allez. Elle était précoce, madame. Hein, oui, ah oui, c'est-à-dire que là, ça a été rapide. Oui. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé. Et... Oui, c'est moi qui ai coupé. Bah oui, mais ça se fait pas, parce qu'en fait, je vous ai posé une question, vous n'avez pas répondu. Mais si, j'ai répondu. J'étais plus grosse que la tienne, donc c'est bon, t'arrêtes d'appeler. Bah non, ça répond pas à ma question, ça. Oh, bon rappel. Bon, bah alors, c'est reparti. Allez hop, on y retourne. Mais t'as fini ou quoi, là? Bah non, mais moi, je vous pose une question, vous répondez à côté, il faut bien que j'en rappelle. Bah dis-moi ce que tu veux savoir. Bah je veux connaître la taille de la bite de votre mari, mais en centimètres. Deux centimètres, c'est bon, t'es satisfait? Bah c'est petit, ça, quand même. Et lui, il est content? Il est content de cette taille? Ouais, magnifique, franchement, il gère au top. Franchement, c'est 10 fois par jour, au top, t'inquiète. Allez, d'accord. Salut. Mais vous la sentez, vous? Parce que 2 centimètres, c'est quand même petit, hein. Ah merde, elle est repartie nouveau. Bon bah très bien. Quel relou. Bah oui, elle était assez relou. On en rappellera d'autres tout à l'heure. Il y a Clément qui dit il est où le pipeau de Polo? Bah il est là, mais là il le garde en exclu pour l'instant. Il est tombé sur sa nouvelle femme qu'il a rencontrée hier. Une auditrice qui est passée nous voir, une petite blonde. Alors Polo était au taquet évidemment. Hein. Ah oui. Donc et en plus j'ai eu des nouvelles apparemment. Donc Cécile reviendra pour te voir, Polo. Ah. Je ne pense pas que ce soit pour moi. Monsieur va revenir, elle va revenir et elle va être là. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a M&M's qui dit l'équipe désolé d'être en retard, je pouvais pas avant. Bah bravo M&M's, c'est pas une excuse. excuses. Voilà, tu prendras un coup de pelle comme les autres. Et Manon qui dit aussi, je vous écoute tous les soirs, ça va être ça pendant les deux semaines qui suivent. Vous êtes les meilleurs. Merci Manon d'être là d'ailleurs hein, pendant les semaines de vacances aussi. Le prince qui dit, j'avoue que le canular était tellement parfait. Ah oui, il était pas mal avec Cutoff en maître d'hôtel. Ouais, oui. Mais je ne pense pas que ce sera possible. Quel acteur. Quel acteur. Ah oui, il a fait le maître d'hôtel aujourd'hui. Il a eu l'occasion évidemment. Mais l'Oscar, il l'aura grâce à ça. Grâce à ça. Allô. Ils ont buté les deux. Voilà, il peut faire des drames, des comédies, des films d'horreur également. C'est un acteur complet. Exactement, il est multitâche. Britannique, il dit tellement que le canular me fait rire, je l'ai enregistré. Bon, on va le remettre de toute façon, vous inquiétez pas. Il y a Maé aussi qui dit, je vous adore toute l'équipe, mort de rire, le bouche à bouche avec Toff. Oui, bon, enfin bon. Et Ludovic qui dit, Toff, t'es trop fort. Et Megumi qui dit, Mickaël, ne me lis plus. Ne plus entendre mon prénom de sa bouche me manque. Oh non, Megumi. Oh. Voilà. Et Kawet aussi qui dit, il se marie quand, Polo avec Cécile. Ah ben c'est déjà fait, hein. Ouais, ils ont été mariage, ils ont été ce matin. Mais est-ce que le mariage a déjà été consommé? Non. Ah, c'est dommage. Je pense qu'elle ne voudra pas qu'on consomme. C'est dommage. J'ai sorti mon pipeau, mais. Ça n'a pas bien marché. Ouais. Hein. Anise aussi qui dit, moi j'étais aussi pensionnaire à l'époque, c'était trop sympa. C'était mes meilleures années, les conneries avec les blagounettes. Très bien, les blagounettes. Et Maxime, je kiffe l'émission, elle est trop bien, continue comme ça. Ben, on compte pas arrêter. En tout cas, merci beaucoup de prévenir tous vos potes, de venir écouter l'émission hein, tous les soirs dorénavant sur Fun Radio depuis juillet. C'est comme ça que ça se passe. 23h-2h toute la semaine. Et le dimanche soir de 20h à minuit sur Fun Radio. On fera d'autres appels dans quelques minutes. Et puis on va également donner la réponse maintenant à la colle. La colle avec Fred, t'es là? Ouais, toujours là, toujours oui, là. Oui, très bien. Bon, Fred, on y va, on appelle maintenant le gagnant ou la gagnante éventuelle. Celui ou celle qui aura peut-être bien répondu à la question. Et puis si il ou elle décroche, évidemment, on va voir. Allez, c'est parti. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Anthony. Anthony, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Je t'appelle... Oui, je sais, j'écoutais. Ah bah parfait, je t'appelle avec Frédéric qui est avec nous. Fred, ouais. Anthony, Frédéric. Et Frédéric a une question pour toi, Anthony. Ouais, donc alors, qu'est-ce qui se remplit que si vide en même temps? Un sablier. Un sablier, eh oui. Ouais, ouais, ouais. Eh ben voilà. Eh ben très bien. Eh ben voilà Anthony, la Xbox 360 elle est pour toi avec le jeu Halo 4. Et en plus de ça, eh bien je mets le jeu Tomb Raider. Bravo Anthony. Merci. Oui, mes félicitations. Eh ben écoute Anthony, tu restes. Eh ben avec plaisir un message de bienvenue. Tiens, je vais t'en mettre un. Eh ben, tu veux un violent ou un moyen ou un quoi? Ouais, un bien trash. Un bien trash? D'accord, ok. Elle va te faire enculer au clochard. Voilà, celui-là était pas mal de notre ami Corse. Bon, Anthony, bravo à toi. Tu restes au standard de le standard de Sandro. Va prendre tes coordonnées, t'envoyer l'Xbox Rapidos. Très bien, merci. Avec plaisir. Salut à toi, à bientôt. Délicace, ben vas-y, dis donc, t'en demandes beaucoup, toi. Allez, vas-y. Une seule personne, Anthony, attention. À toute la maison Poulaga qui nous écoute en faisant leur patrouille. Eh ben très bien, bon, on embrasse tout le monde. Ça marche, salut Anthony. Très bien. Allez, à bientôt, ciao. Et puis bah Frédéric, malheureusement, c'est perdu. On va quand même défiler la compil le son d'Enfant 2014. Et comme j'ai perdu, est-ce que je peux me venger sur Toff? Oui, avec plaisir, qu'est-ce que tu veux faire sur Toff? Deux coups de lance-flamme et deux coups de pelle. D'accord. Voilà. Tout ça a été gratuit et violent. Voilà. Gratuit et violent, mais il mérite au moins ça. Mais il le méritait, effectivement, Fred, tu as bien raison. Si on ne sait pas pourquoi on lui a fait, il le sait voilà, mais après, c'est parce qu'on a envie, donc c'est normal. Exactement. Bon, ben salut Fred, merci à toi, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut, ciao à toi, bye. Bon, et puis j'aimerais bien voir des filles également là hein, pour réagir par rapport aux petites soirées libertines dont on parlait avec Louis qui est toujours avec nous, évidemment. Louis? Toujours. Parfait. Tiens, je vais vous mettre une photo aussi là du pantalon de Kanye West. Ah, attendez, je voulais mettre maintenant. Est-ce que t'as vu ça, le pantalon de Kanye West qui a craqué en plein concert? Ah non, mais c'est pas les trucs que je m'intéresse. Non mais tu aurais pu tomber dessus par hasard. Ah, oui. Je viens de vous les mettre sur le Facebook de l'émission, là, facebook.com/Mickaël officiel. Donc c'est Kanye West, il est sur scène et en fait il a craqué son fut en plein concert. Et donc du coup je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé justement de vous retrouver dans des situations un peu embarrassantes comme celle-là, genre la tache sur la chemisier avant un premier rendez-vous, le pantalon qui se déchire. Moi ça m'est arrivé un jour, c'était à la gare, je devais prendre le train et puis tu sais j'allais presque le rater, donc je passe au-dessus d'une barrière et là clac. le fut qui se déchire, je me dis merde. Et donc du coup j'ai dû me balader avec toute la journée avec le fut déchiré, donc c'était un peu con quand même. Polo, c'était quoi toi? Bah plusieurs. Ah moi des nombreuses. Donc je me souviens, j'étais en sport au collège je crois, et en fait j'ai déchiré mon survêt. Ouais. Mais c'était une horreur, j'avais honte. Et donc j'ai passé ma journée avec parce qu'on pouvait pas rentrer, avec un sweat attaché autour des hanches. Et une autre fois il y a un pigeon qui m'a chié dessus. Et je m'en ai pas rendu compte, c'est ici, il m'avait chié dessus ici. Ah, au niveau du cœur. Au niveau du cœur sur le t-shirt. Et en fait toute la journée, écoute, et à un moment donné je vais dans un café, je vais boire un café, donc je vais pisser et je vais en bas et je vois de la merde de pigeon par. Alors ils s'en étaient même pas rendu compte. Non, c'était séché. Bien crado. Ah bah oui. Je rejoins un peu Toff. Moi c'était un bus en fait, il pleuvait super fort et donc j'ai voulu prendre un raccourci pour rentrer chez moi, et sauf qu'à ce moment-là le bus passe, roule dans la flaque. Et donc mon pantalon était trop. Oh, ça c'est bon ça. Mais un truc de dingue. Et toi Louis, t'es déjà arrivé des galères ou pas toi, genre des trucs comme ça, tu sais, genre pantalon qui craque ou une honte en particulier? Ah ouais, ça m'arrive quasiment une fois par semaine. Ah bah vas-y, dis-moi, genre une comme ça dont tu te souviens là. Une comme ça hors de deux. Alors j'étais en voiture. Ouais. Je fumais ma cigarette et tout, et arrivé à un feu rouge, je jette ma cigarette par la fenêtre. Mais seulement il y avait une autre voiture garée à côté avec la fenêtre ouverte et dans la gueule de l'autre mec. Donc tu lui as envoyé ta clope dans sa gueule. Voilà. Et moi je t'aurais mis une patate. Ah, oui. En plus je déteste la clope, je t'aurais démonté la tête. Le mec il a commencé à sortir de la voiture et le feu il est passé au vert et j'ai tracé. Ah oui, tu m'étonnes, c'est ça. Ouais. Bah, c'était arrivé à un pote en fait, donc c'est le mec qui conduisait et donc il crache par la fenêtre, sauf que la fenêtre de derrière était ouverte, le mec il l'a pris dans la gueule. Moi j'ai récupéré ma propre crash. Ah oui, ça m'est arrivé aussi ça. Mais on n'était pas ensemble. C'est possible. Je crache comme ça et ma crash elle m'est revenue en pleine gueule. Mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'était sur une moto je crois. Tu sais, j'étais là et puis tout, bah, en pleine gueule j'ai récupéré le truc. Ah c'est honteux ça. Ah ouais là c'est con ouais. Et toi, Andrea, c'était déjà arrivé ou pas un truc, une honte? Ouais, j'ai craqué mon pantalon blanchisserie. Ah, toi aussi, pas mal, décidément. Hein. Le pantalon, c'est un peu le basique, hein, je pense. C'est arrivé un petit peu tout le monde, effectivement. Ouais. Bon, ben Andrea, ben, reste encore avec nous. Là, il y a Jess qui, lui, voulait réagir à Louis par rapport aux soirées libertines. Et donc, si vous êtes déjà arrivé une honte, hein, genre craquage de pantalon ou bref, une galère comme ça, comme on vient de les raconter, appelez Sandro maintenant au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Attends, on est là jusqu'à 2h du matin, donc profitez-en. Bon, Jess, bienvenue à toi. Bonjour. Alors, Jess, toi tu voulais réagir toi par rapport à Louis? Oui, c'est ça. Alors, on t'écoute. Bah, en fait, j'ai écouté l'émission et Louis, en fait, c'est moi, pote, la fille avec qui il a passé... Non. Ah oh, c'est bon. Donc, lui... Attends, parce que ça c'est improbable. Donc Louis qui nous avait... Attends, parce que Andrea... Andrea, on va finir par te piquer, hein. Je pense que... Hein, ce sera mieux pour tout le monde. Hein. Parce qu'en fait, donc Louis nous avait appelé en disant qu'il avait fait une soirée libertine, qu'il avait trop picolé, il s'est retrouvé avec une belle brune qui en fait était s'appelait Robert, et il avait tout le service, trois pièces complet. Et donc toi, Jess, c'est toi le Madame Monsieur. Voilà, c'est ça. Ou le Monsieur Madame. Hey, c'est pas vrai. Attends. Vérification quand même. À quoi ressemble Louis? Est-ce que t'as un petit détail qui prouverait à Louis que c'est bien toi que t'aurais vu et que bah nous on peut pas connaître? Eh bien, il a trois tatouages, dont deux sur le bras et un dans le cou. Et il a des écarteurs. Il a quoi? Des écarteurs. Louis? C'est les trucs dans les lobes d'oreilles. Ouais, c'est ça Louis? Oui, voilà, c'est ça. Et non, mais ça c'est une blague. Putain. Mais attends, Louis, on peut pas le savoir Louis. Eh hey, Louis, tu nous as rien dit, t'as rien dit au standard. Ah oh, c'est énorme. Alors. Bon, mais Louis, c'est incroyable. Ben voilà, ben écoute, Jess, qu'est-ce qui s'est passé alors? Puisque Louis nous avait appelé en disant, ben voilà, moi je vais trop picoler, je me souviens de rien. Jess? Oui? Que s'est-il passé? Ben... Non, attends. Louis, est-ce que tu es prêt à entendre tout ça? Ah, je croyais que tu... Ben, ouais, je veux savoir s'il s'est passé un truc. Attends, parce que d'abord, il y a Toff qui veut savoir les choses. Ah mais comment tu veux que je fasse des choses? Vas-y, Toff. Bah c'est Jess, c'est pas monsieur. Bon Jess, combien mesures-tu? Combien je me dis? Oui. 1m80. Combien? Alors attends Andrea, je te mets 2 secondes en antenne parce qu'on n'entend plus rien là tellement elle est en train de crever là. Donc Jess, 1m80, non je peux pas te noter sur ma feuille. Allez, combien pèses-tu? Mais je pèse. Oui. 67 kilos. Ah oui, t'es pas mal, t'es bien gaulé comme... Quel est ton tour de poitrine? J'ai pas de fin artificiel, donc... Ah oui, donc lui a quoi. Oui, on va dire ça, voilà. D'accord. Quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 38. Et la question bonus? La question bonus, combien mesure-t-elle en érection? je peux pas vraiment savoir, j'ai jamais mesuré. Bah à peu près, plutôt 18 ou plutôt 20? Bah j'en sais rien, demandez à Louis. Ah, Louis? Non mais moi je me souviens de rien. Ah, pauvre Louis. Attends Louis, il faut juste que je fasse un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, parce qu'il va au standard là, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il reprend Jess. Ah non. Il a repris Jess au standard. Louis, t'es content? Louis, t'es content? T'as retrouvé ta meuf? Ah non, mais là c'est la galère, putain. Ah non, mais là c'est assez exceptionnel. Le mec, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Attends, on va demander à Toff là ce qu'il a demandé aux rantaines là, parce que l'autre est parti aux rantaines, on au standard, je sais pas ce qu'il fout. Il est parti là, comme si j'étais chez lui. Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé, Toff? Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là là là là. Quoi? Bah non, mais je voulais savoir avant. Non, avant quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais. Ah, Moi je pense qu'il faut préparer psychologiquement Louis. Bon, Louis. Ouais. Bon, reste-toi sur le canapé. Allonge-toi. Ouais. Mets-toi à l'aise. Hein? Oui, ce que tu vas entendre est difficile à entendre. Voilà. Faut préciser, c'est rien, c'est pas grave, hein. Y a rien de grave. Ça dépend. Non. Ça dépend, mais. Non, mais enfin. Oh non, mais rien de grave, attends. Je vais te prévoir une petite musique parce que comme tu vas te coucher sur mon canapé, attends une seconde. Oh. Non, ça c'est violent. Non, ça aussi. Non, oh là là. Ah la chaleur chez les mecs. Attends. Wagner. Non. Non, non. Ah bah non. Le cirque. Allez, Panzani. Louis. Ah bah non, oui. J'ai Louis XIV. Et bah voilà. Avec bon, le c'est parfait. Okay. Le roi arrive, mesdames et messieurs, celui du bouffon teuf. Exactement. Bon, Louis, si tu peux te servir un verre avant, fais-le, ça va te faire du bien. Fais un triple. Et mets pas de glaçons. Oui. Oh putain. Je vais me chercher une cigarette. Oui, bah vas-y. Ouais. Bah, prends-en deux d'un coup, ça va te faire du bien. Ouais, c'est mieux. Bon, Louis. Ah oui, ils vont partir. Louis. Il est parti chercher une clope là. Il est parti, tout va bien. Ouais, c'est bruit. Parfait. Donc je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que Louis nous avait appelé parce qu'il avait fait une soirée libertine il y a combien de temps, Louis? Il y a eu 2 semaines de là. Deux semaines. Et donc il avait un peu trop picolé. Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé. Il s'est retrouvé par hasard avec une belle brune inconnue. Et il s'est rendu compte en se levant que la belle brune inconnue avait un service 3 pièces. Avec 3 grosses pièces. Avec 3 grosses pièces. Et ce service 3 pièces est avec nous. Jess, donc, qui nous a appelé. On ne pouvait pas le savoir, je le jure qu'on ne savait pas. Et j'ai posé la question à Jess de savoir ce qu'il s'était passé. Et donc, c'est Jess qui a ouvert la porte. Et donc, oui, Jess a ouvert la porte, effectivement. Jess. Oui. Nous t'écoutons. Que s'est-il passé? Oh, la musique. Avec Louis. Eh bien, on s'est beaucoup rapproché dans la soirée. Et bien que complètement bourré, nous avons fini au lit. Jusque-là, il le sait, hein, ça il se souvient puisqu'il s'est réveillé. Ça, je sais pas. Hein. Oh, c'est dur. Et Louis doit savoir. Hein. Ouais, bah lui, il y a un moment, il va falloir qu'il sache quoi. Hein, c'est certain. Mais alors attends. Donc vous avez été au lit quoi, hein? Et là, oui. Dans le lit, que s'est-il passé? Mais alors justement, effectivement. Alors attendez. Alors. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu des rapports. Plus de détails. Mais vous arrivez dans le lit. Non, parce que Louis veut savoir. Nous, on s'en fout. Mais Louis veut savoir ce qui s'est passé. Et je tiens à le signaler. Nous, on fait vraiment ça pour rendre service. Parce que nous, on s'en fout, hein, dans l'idée. Non, mais c'est vrai. Bon, c'est parce que Louis doit savoir. Voilà. Je dois donner les détails. Oui, parce que Louis a droit à la vérité. C'est vrai. Bah, attends, tu sais quoi? Tu vas les donner après Fédé le Grand. Hein? Comment? Tu vas les donner, mais on va d'abord écouter Fédé Legrand. Comme ça, Louis a le temps de finir une cigarette. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un rapport avec ça? Suce ma bite. Non, ne dis rien, ne dis rien. Ne dis rien. On verra après. Oh, c'est bon là, j'adore. Voilà, no good. Je pense que c'est ce que retiendra Louis de cette histoire. N'est-ce pas, Louis? Non, non, mais là je bad. Eh, ah, tu bandes? Oh, ah, tu bandes? Ah, très je bien. Bad. Ah, ça s'appelle le bad trip. Donc. Non, il bande, c'est ce qu'il a dit, il bande. L'alcool est très mauvais pour la santé. On en parle après. Fédé Legrand sur Fun Radio. Nous sommes de retour en direct sur Fun Radio. 1h09, 37 secondes. Plein de messages sont arrivés pour Louis, Jess, c'est sont là. Fort, un moment fort. Louis nous avait appelé, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. Hein, Louis nous avait appelé parce qu'il avait fait une soirée libertine il y a 2 semaines. Et il a terminé, il avait trop bu, il s'est retrouvé dans un lit hein, avec une charmante brune, n'est-ce pas Louis? Brune, oui, brune, très brune même. Très très brune, puisqu'en fait il s'est avéré que cette charmante brune avait un service 3 pièces. Ce service 3 pièces donc nous a appelé, hein, Jess qui est là, on ne savait pas. Jess qui est avec nous, ouais. Et plein de messages qui sont arrivés. Maxime qui dit putain c'est chaud, la pauvre Louis, plus jamais je bois. La totale avec une belle brune qui finalement est un homme. Je suis sûr que Toff est jaloux de cette soirée. Ah oui, de fortes chances. Grave, moi j'ai envie mais, d'y être. Du coup, comme Louis ne se souvient de rien, bah Jess va le. Mais attends, Jess. Oui. Avec toute l'histoire, toi, tu savais que lui ne savait pas? Il pouvait pas savoir parce qu'il l'avait en main. Non mais moi, en gros. Ah donc toi tu pensais que Louis était open quoi? Bah moi je pensais qu'il se rappelait un peu plus de la soirée quand même. D'accord, oui, là il se rappelle de rien. Bon alors Jess, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que vous arrivez sur le lit. Donc voilà, donc vous êtes entré, le château, tout ça, enfin bref. Et donc on arrive à la soirée, il a un peu trop picolé, et à partir de là, il s'est passé quoi? Le trou noir quoi. Non mais là, plus un trou, un gouffre. Bon, et puis vas-y. Fais-nous rêver, Jess. Eh bien, comment dire, il s'avère qu'il s'est montré très ouvert. C'est-à-dire, il t'a... Dedans, on est con. Mais c'est-à-dire, ouvert, en gros, oui. Ouvert comment? Attends, Louis, donc, t'a taillé une pipe? En gros, oui. D'accord. Non, bah en gros, moi, je veux les choses en clair. Ça a duré longtemps. Ah oui. C'est horrible. Pardon. Ah, Louis. Donc après... Louis, ça tu te souviens pas de même quand on en reparle, ça te revient pas, ça te par non flashback. Non. Non mais oh là là. Tu te souviens pas de cette grosse sucette? Non, je me souviens de oh putain. Oh putain. Mais tu te souviens de rien quoi? Rien. Le trou. Le ah oui, là, le trou. Oui, ça c'est. Oui, ça oui. Bon, alors donc il y a eu. Il y a eu ça. Hein, ça c'est fait. Ensuite. Ben ensuite, on va dire que finalement, Louis aime bien quand on est dominant avec lui. T'arrêtes pas, Jess, c'est parce qu'on est, continue. Est un peu pris par l'émotion de ce que tu racontes. On est un peu perturbé. C'est mais amour, ça. Mais oui, c'est ça. C'est beau. Tout cet amour, c'est beau, c'est magnifique. Oui, ce n'est pas sale. Polo a les larmes aux yeux tellement il est. Voilà, il est pris par l'émotion. Et jaloux. Oui, c'est pour ça que je ne bois jamais. Ouais. Et donc, ça va, Louis? Non, très bien. Bon, alors vas-y, continue donc. Ben. Je sais pas, moi. Donc il t'a sucé une fois que port là-bas, une fois que tu étais bien turgescent, que s'est-il passé? Eh bien il s'est mis à quatre pattes. Oui. Et j'ai pris les devants quoi. Enfin, non, tu as pris le derrière. Pris derrière. Oui, ou le derrière. Oh merde. Ah oui, c'est. Et Louis, il a kiffé ou pas? Louis, attends. Ah de ce que j'ai compris, oui, enfin, j'espère. Oh là là là, j'espère. Ah oui, bah. Oui, Louis, ça va? Louis? Oh putain. Non, t'inquiète pas, Louis, on va t'envoyer une compile. Oui. Tu pourras l'écouter en pensant à Jess. Ah ouais, mais oui, mais là, c'est. C'est fait, Louis, hein, faut jamais regretter les choses. Ouais. Juste comme ça, vous l'avez fait combien de fois sur la soirée, Jess? Ah bah, je sais que ça a duré au moins 4-5 heures. Quoi? En faisant des pauses, hein, évidemment. Mais non, bah encore heureux, mais parce que 4-5 heures de l'image, je crois que même encore maintenant, il marche à pas droit. Mal au dos. Ah ouais, il y a peut-être de ça, il y a peut-être un rapport avec ça, Louis, effectivement, oui. Le dos en apathie. Oh là bon, là, là, eh ben là, écoute, là, là. Louis. Non, mais je me suis mis en arrêt de travail à cause de mon dos, j'ai trop mal. Non, oui. C'est pas le dos en fait. C'est pas le dos, mais bon. C'est un peu plus bas. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, écoute, Louis, au moins maintenant tu connais la vérité. Tu connais la vérité, tu sais si. Ne bois plus, oui. Ne te drogue plus. Tu es encore en soirée libertine? Non. Terminé. Terminé. C'est pas grave, Louis, c'est rien. Non, c'est mais rien. C'est grave. Oh, bah, si, c'est quoi grave. C'est que vous êtes protégé, ça va. Non, mais encore heureux, mais le si quand même psychologiquement non, quand c'est t'es rien, pas c'est gay. Quoi, c'est... Non, bah... c'est quoi une, deux, trois, quatre, peut-être cinq sodomies. C'est... Un détail. C'est vrai que sur une vie, on c'est pas grave. Cinq pénétrations anales et l'autre, t'es lui. C'est pas grave, on va donner une compile. Ouais. Il y a Cédric qui dit oh mon Dieu le pauvre. Il y avait Koubi qui dit dites non à l'alcool. Oh, le pauvre Louis, je me suis mal à l'aise pour lui. Il y a Brie qui dit oh le pauvre quand même. Oh, là, en plus, le gars il dit en plein à la radio que c'est un soumis. Patrick qui dit oh, le pauvre, il va avoir du mal à digérer la pilule sans faire de mauvais jeux de mots, bien sûr. Hein, il est dans la dèche. Cronaldo qui dit vous êtes des malades. Il y a Antoine aussi qui dit énorme votre émission, j'écoute tous les soirs avant de dormir, c'est énorme. Et Quentin qui dit ça me ferait mal au cul. Merci Quentin pour ce magnifique jeu de mots qui mérite un coup de pelle. Merde. Voilà. Cédric qui dit Mickaël, c'est l'histoire horrible, la pauvre Louis. Et Tony qui dit les barres de rire avec le sujet de Louis, c'est quand même impressionnant. Vous êtes énorme, mort de rire, j'en peux plus, c'est Célia. Bon, du coup, Jess, visiblement, il a kiffé. Bah, je pense, oui, j'espère, mais je suis un peu déçu qu'il m'ait pas laissé son numéro de téléphone. Oh le bâtard, et l'autre qui rajoute. Louis. Est-ce que oui. Tu veux revoir non, Jess? Non, mais attends, parce que la question est mal posée. Mais est-ce que, éventuellement, parce que bon, là, tu te souviens de rien, et donc tu ne peux pas savoir si t'as aimé ou pas, est-ce que tu voudrais éventuellement retester sobre? Non. Non, non, du tout. Alors là, non. Non, non, non, non. Bon, bah voilà. Donc, c'est dommage parce que tu avais kiffé quand même. Hein. Bah visiblement, t'as bien aimé, Louis. C'est malheureux. Oh, Louis. Ah ouais, mais j'étais bourré. Oui, non, ah oui, ah ça, oui, c'est sûr, hein, dire, dans hein. Tous les sens du terme. Mais écoute, très bien. Bah écoute, Jess, désolé alors. Hein, c'est que visiblement, il n'est pas gay. Hein. Ouais. Bah mais désolé. Hein. Il a quand même bien aimé. Ah, il a quand même bien aimé, donc c'est que t'es bon, Jess. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah bah oui, voilà. Bon ben voilà, donc du coup, Jess est nouveau sur le marché. Hein. Si vous êtes à Tours, hein, n'hésitez pas, il est disponible. On peut éventuellement donner des numéros de téléphone si vous êtes intéressé à Jess, hein, pas de problème. Bon ben merci Jess. Hein. Eh ben de rien, merci beaucoup. Ah bah avec plaisir. Merci pour ce grand moment. On va te filer aussi la compile de son Dance Floor 2014 qui vient de sortir. D'accord. Pour les prochaines soirées. Salut Jess, ouais, pour les prochaines soirées spéciales. Salut Jess. Ouais, passer une dédicace. Oui, ou pas bien sûr, bah toi tu peux faire à qui tu veux, alors vas-y. Hein. D'accord, bah, je passe une grande dédicace à ma copine Amandine. Ouais. Et puis une bonne dédicace aussi, pardon, à un de mes meilleurs potes qui est comme moi actuellement, Guillaume. D'accord, eh ben, très bien. Voilà. Et une dédicace à Louis aussi, bien sûr. Oui, bah, oui bien sûr. Enfin, évidemment, bah, évidemment. Tu lui embrasses les fesses. Voilà, oui, bien sûr. Ouais, voilà. Bon, bah, salut Jess. Hein. Au revoir. À bientôt. Hein. Bon, bah, Louis, tu regrettes pas au moins là, d'être passé là? Putain, j'aurais préféré me taire. J'aurais rien dessus. C'est vrai là, que je vais pas dormir. Ah bah là pour le reste de ta vie à mon avis, hein. Parce que au moins à la limite t'aurais pu dire ah oh, putain j'ai mal au dos, j'ai dû porter un truc, un truc lourd, quelque chose. Enfin voilà quoi. Et il y a Romain aussi qui dit cette histoire restera dans les annales de Louis. Ouais bah ça c'est petit. Oui c'est vrai. Mais c'est très drôle. Koala Forever sur Twitter qui dit mort de rire le bâtard. Il y a Lilou qui dit j'ai mal au cul du coup c'est ouf. Et Denis qui dit c'est confessions intimes à la radio ce soir. J'avoue. Ouais. Megumi qui dit Sandro avec la meilleure vanne du monde. T'inquiète Louis, tu t'es fait enculer mais on va t'envoyer une compile. Et Thomas qui dit rien que de le penser à la semence dans mon cul c'est affreux. J'imagine pas. Moi le mec il est enterré et alors Faustine. Bah non mais non mais en même temps il a rien. Tu vois c'est pas la faute de Jess. Louis il était ouvert. Bah oui. Il était peut-être bourré mais il était ouvert donc tu vois c'est même pas comme si il l'a pas violé quoi. Je rappelle que c'est Louis qui a commencé à le sucer. Voilà et Faustine qui dit le pauvre tout de même j'aimerais pas être à sa place. Lilou qui dit j'en pleure de rire mon dieu. Et Minecraft attends c'est quoi Minecraft My Pasque qui dit je pleure de rire et puis I with bon Gabriel qui dit vous êtes vraiment des gros malades vous êtes énormes je pleure de rire une dédicace pour la mif de Mne Elzar s'il te plaît oublie pas bah voilà j'ai pas oublié le message est passé et puis encore un message aussi Megumi encore c'est horrible ce pauvre Louis JC qui dit moi craquage de pantalon ah oui bon, ça c'est par rapport à ce qui vous est arrivé on va en lire encore d'autres messages d'ici quelques instants bon il y avait quand même François qui était là aussi de Paris là 25 ans salut François salut comment vas-tu. Ouais, super. Bon, très bien. T'as entendu l'histoire là avec Louis? Ouais, ouais. Oh, violent, hein. Pauvre Louis. Enfin, surtout qu'il se... qu'il est... Enfin, voilà, il se souvenait pas, quoi. C'est surtout ça, ouais, le pire. Grave, hein. Ah bah là c'est violent, ouais, c'est violent. Bien. Bon, François, t'as déjà fait toi des clubs libertins? Ouais. Et alors? Bah écoute, ça va, hein. On a une bonne expérience et tout. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, moi l'année dernière. Bah j'étais bourré, je me suis endormi, je me suis trouvé avec Oui, allô, j'ai... Non, voilà, même c'est... pas. Bah c'est plus choquant que ça, en fait. Je suis parti en vacances en Espagne. Ouais. Et puis en fait, bon voilà quoi, c'était l'été dernier quoi, donc... ouais, on fait la teuf tous les soirs et tout, donc j'ai fait un peu une tournée des boîtes. Mm-hmm. Et puis, bon, j'ai dragué une meuf quoi, donc... une belle brune et tout. Ouais. Donc on a terminé la soirée et tout. Et puis bon, j'ai des sous quoi, à trois pattes quoi. Ouais. Et, on est rentré à mon hôtel. D'accord. On s'est caressé et tout. Elle a commencé par faire un massage et tout, super et tout et tout. Et puis bon, on a fait un peu les préliminaires et tout. Mm-hmm. Mais après, j'ai remarqué un truc bizarre. Donc je sais pas, j'avais pas trop d'attirance. Quoi, elle aussi avait le service trois pièces? Oh. Non, elle est donc parce que bon, elle était encore en soutif et tout, tu vois. Donc, ouais. Mais le truc, c'est que le truc le plus choquant, c'est que je me suis rendu compte que c'était un travelot. D'accord. Oui, donc là aussi, ouais. Ok. Voilà. Et puis le truc le plus choquant, c'est que moi, donc j'ai une comment te dire. Donc, j'ai vécu une très dure adolescence parce que bon, mon père, il s'est discuté avec ma mère quand j'étais très jeune, et ils étaient ensemble. D'accord. Bon, j'avais des photos, bon, j'avais pas sa face en face de moi quoi, pour voir comment elle ressemblait, mais bon, j'avais vu des photos et tout. Et puis en fait, il y avait une forte ressemblance avec mon père, quoi. Comment? Attends, t'es en train d'essayer de nous dire que le mec qui était dans le club échangiste, c'était ton père? Ouais, c'est juste, bah en fait c'est pas ça, je suis pas certain, donc depuis un an... Non mais il vaut mieux dire que c'était pas lui. Ouais, hein. Tu te fais pas de mal. Ouais, ouais, non mais tu te trompes. Ça fait un an, je me pose la question. Eh ben non, en fait c'était Toff. Oui, c'était moi. Exactement, c'était Toff. Allô. Ils ont buté les deux. Ah, ils ont buté les deux. et puis en fait, ça fait un an, donc je me suis battu pour avoir son numéro et tout. Ouais. J'ai pu l'avoir je peux dire, j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Ma mère, elle voulait pas m'en parler, ce qui s'est passé à cause de la rupture et tout. Mm-hmm. Et je l'ai eu quand même. Mais je l'ai jamais appelé, j'ai pas eu le courage de lui en parler parce que j'ai appris donc qu'il s'est passé un truc très bizarre. Donc je sais pas ce qui se passe avec lui et tout. Mais j'ai son numéro. Mais je l'ai pas appelé. Et quoi, t'oses pas l'appeler, c'est ça? Je l'ai jamais appelé. J'ai pas eu le courage quoi, attends. Oui, mais qu'on l'appelle. Je vais pas l'appeler, je vais dire ouais, salut, c'est François, est-ce que tu m'as tué quoi. Si tu veux, nous on l'appelle. Nous on l'appelle, hein, Toff, il veut savoir si éventuellement il y a un plan pour une soirée libertine, puis on sera vite fixé, hein. Bah écoute, je sais pas, peut-être que c'est le moment. Bah peut-être que c'est le moment, pourquoi pas. Écoute, réfléchis, je te remets au standard avec Sandro le temps de que tu réfléchis. Si tu veux, tu laisses ton numéro et puis on l'appelle, c'est pas un problème. Ouais, nous, bah écoute, mets-moi un standard, je vais. Bah écoute, je vais voir avec Sandro, François. Et pour terminer avec les soirées libertines, il y a Olivier également qui est avec nous de Brest. Salut Olivier. Ouais, salut les gars. Oui, ça va Olivier. Salut. Ça va Olivier? Ouais, impeccable, ça va bien. Ouais, depuis ce week-end, ça va bien. Ah, pourquoi depuis ce week-end? Ah bah ce week-end, si tu veux, on a rénové toute une maison chez un pote. Ah bah génial. Ouais, félicitations, bravo. Et on a fait une soirée après, et avec tous des copines de jeunesse, tout ça qu'on connaît, des filles qui sont casées et tout. Hein. Mais les nanas sont venues à 4, et toutes seules. Et nous, on était 5 mecs. D'accord. Donc, chez mon collègue, tu vois, on a fait une piste de danse et tout chez lui, mais c'est vraiment bien foutu, quoi. Il y a 4 chambres, 2 salles de bain, enfin, c'est une grande maison. Hein. Mais t'es en train d'essayer de nous vendre la maison ou... Comment? T'es en train d'essayer de nous vendre la maison ou... Non, il l'a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, on a tout rénové entre potes quoi. D'accord, et c'est avant de louer, c'est sur M6. Il a passé, on a commencé à boire, on a commandé des pizzas et tout, on dansait, tout ça, enfin le bordel. Et après c'est parti complètement en couille. Tu veux, on a commencé à s'emballer les meufs les unes après les autres comme ça. D'accord. Après, bon, on est monté dans les chambres, ça changeait de chambre, ça... Enfin, c'était vraiment le bordel quoi. Ah, vous étiez en train de faire une partouze quoi. Ouais, c'est marrant, moi ça m'arrive souvent, mais... On changeait de meuf si tu veux quoi. Mais à la fin, je me réveille. Oui, oui, en général, oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Ah ouais, donc t'as même pas fait un club libertin, t'as fait une soirée partout, quoi. Ouais, voilà, c'était vraiment des meufs. Hein. C'est pas vraiment. J'ai pas enculé mon pote, rien, non. C'est un bon souvenir, quoi. Il aura peut-être kiffé, hein. Il aura peut-être kiffé, ouais. Je pense que d'ici une semaine ou deux, on recommence. Ah ouais, bah écoute, appelle Louis, hein, parce que lui, il doit d'abord se remettre de 2-3 trucs. Et s'il peut être sûr de ne pas se faire défourailler par quelqu'un, je pense qu'il est intéressé, ouais. Bah voilà, et là au moins, c'est sûr que c'est pas des trois pièces. Hein. Ah ouais, hein, Louis. Non, malheureusement, Louis est... Louis, t'es là? Louis est toujours... Ah bon, d'accord, ok, maman, j'ai eu peur. Bon, Louis très bien. Il est traumatisé, là, Louis. Ah oui, il est un peu, ouais, mais il va s'en remettre, hein. Enfin, je pense, hein, Louis. Oui, c'est un bon gaillard, il va s'en remettre ce soir. Mais oui, ça va bien se passer, Louis, t'inquiète pas. Son mal de dos va partir. Mais oui, maman, maintenant qu'il sait d'où ça vient, il sait qu'il n'y a pas de problème. Enfin, ouais. Si, mais je veux dire, il n'a pas de problème de dos dans l'absolu, quoi. Ouais, après, bon, les hémorroïdes, ça prend un peu plus de temps, mais... Oh, mais ça va passer. Son histoire, elle est balèze, quand même. Ben oui, ah ben ça c'est sûr, hein. ça c'est clair. Bon ben merci en tout cas Olivier d'être passé, hein. Ouais, ben c'est moi qui vous remercie. Et tu reviens quand tu veux. J'avais un canular, tu sais, il y a pas mal de temps, je parlais de ça déjà. Dis-moi. C'était pour l'hôtel où je travaillais, là, le F1. Ah oui, c'est vrai ça, tu nous avais appelé pour ça, ouais. Et alors c'était quoi l'histoire? Ben le C4, c'est quand vous voulez, vous, on le prend, hein, téléphoner pour dire que c'est le... Bon, comment c'est le... Comment là le gars qui fait des films de pluie, là, qui est connu, là. Francois Freddy. Ouais, bah dire qu'il vient le F1, s'il est possible de faire qu'il amène tous ses caméras et tout. Ah oui, bah pourquoi pas, ouais. Bah écoute, c'est quoi, tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées parce que ça, on n'aura pas le temps, mais éventuellement dans la semaine, avec plaisir. Ouais, y a pas de problème, moi, je vous écoute tous les soirs. Hein. Bon bah c'est parfait. Un client, bah auditeur quoi. La famille, quoi, voilà. C'est bien, ouais. Bon bah merci Olivier en tout cas, bah, on va te reprendre au standard, bouge pas Olivier. D'accord, ça marche. Ça marche. Allez. Bon, allez, salut Olivier, hein. Et la voix des chales. Ciao, bye Olivier. Et puis Louis, bah écoute, bah, bon courage, et maintenant tu sais d'où vient ton mal de dos, quoi. Ouais. Ça va aller, t'inquiète pas, on est tous avec toi. Hein. On compatit, Louis. Bah oui, ça va bien se passer. J'en rigole, mais putain, ça fait... Ah, ça bah, flippe. Tu m'étonnes. Bon, va comme tu finis une compil le son des Flores 2014, elle vient de sortir. Hein. D'accord. Ah, avec plaisir. Je peux faire une petite dédicace? Oui, bien sûr. Mais attention, bien sûr. On va te reconnaître. Vas-y. Alors, à un pote qui est le seul à être au courant de l'histoire. Ah bah là, maintenant, il connaît tout, hein. Mon Guigui. Très bien. Donc voilà, je vais faire un gros bisou. Bah voilà, message passé, pas de problème. Et Louis, appelle Guigui après, hein. Ouais. T'as besoin d'un peu de soutien, là. Ouais, t'as besoin d'un petit soutien, ouais. Puis je vais aller boire un ou deux verres avec lui, mais ouais, voilà. Je pense que c'est mieux. Sans c'est d'alcool. Ça. Bah oui, c'est mieux, effectivement. Je pense que t'as compris, là, cette fois-ci, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Bon bah, salut Louis, à bientôt. Ciao, on va parler des galères aussi dans un instant. Juliette et Léo qui vont débarquer. On aura vous aussi en direct, hein, venez nous parler. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir sur Fun Radio. Et puis on aura le top tweetos, on va faire un point du top tweetos dans 5 minutes sur Fun Radio. Dubs à l'instant sur Fun Radio avec Tsunami. Allez, bienvenue tout le monde. Si vous voulez débarquer, on va encore faire quelques petits appels avec Toff là, hein, puisque avec tout ce qui s'est passé ce soir, on est un petit peu perturbé là, hein, c'est... Oui. Avec le club libertin là, ah c'est-à-dire là, que chaud, là. Ah bah il y a Clément qui vient de m'envoyer un mail également là, Clément qui dit bonsoir, bon courage à Louis, tout de même incroyable son histoire là, merci les gars, passe une super nuit avec vous, mais merci Clément d'être là. Il y a Kawet qui dit comme j'aime ce son, putain de sa mère, de sa race, pardon je m'emporte. Oui c'est pas grave Kawet. Il y a Frédéric qui dit vous commencez bien la semaine au top, difficile de faire mieux après entre le chéri je peux te faire cocu et la soirée libertine, trop fort. Pauvre Louis, j'ai mal au cul pour lui, vous êtes énorme. Bah merci à toi en tout cas, t'as pas laissé de nom malheureusement. Fabienne qui dit vous êtes énorme, merci. Let's Be Free qui dit mon Dieu, avant de boire les gens pensez à Louis. Et Marc qui dit un mois que je vous écoute et vous vendez du rêve, merci à toute l'équipe, un petit message de bienvenue s'il vous plaît, avec grand plaisir pour ton message de bienvenue. Je te mets dans le cul, c'est bon maintenant. Ah bah puisqu'on était dans les soirées libertines, on va y rester, hein. Et JC qui dit ah oui, donc on était toujours avec les problèmes, les hontes, l'occurrence, on va évidemment en parler d'ici quelques minutes. Bon allez hop, on fait encore un petit appel maintenant, hein. Allons-y. Je rappelle le thème, donc on était tombé sur une étude anglaise qui disait que les hommes avaient plutôt tendance à se trouver mal membrés. Hein, les trop petites bites quoi. Bah oui. Bah voilà, pauvres. C'est ça. Bah du coup, effectivement, les pauvres. Et donc du coup, bah forcément, nous on a décidé d'appeler des gens pour vérifier si c'était le cas chez eux également. Donc on y va, on appelle, vous avez été nombreux comme d'habitude et merci à vous à nous envoyer des numéros de téléphone, tout simplement de gens encore debout à cette heure-ci pour qu'on puisse les appeler. Et bah c'est ce qu'on va faire. C'est parti, on y va. Hop là, on appelle maintenant. J'ai pas envie d'appeler trop tard, j'ai peur de déranger. Allez. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la taille de votre sexe. Mais ça vous amène à quoi? Bah, à savoir si vous êtes satisfait par rapport à quelle taille. Ouais, écoutez, j'ai pas le temps d'en parler. Évitez d'appeler les gens à cette heure-ci. Hein. D'accord, mais ça répond pas à ma question, tout ça, monsieur. Ouais, mais j'en ai rien à secouer. Évitez d'appeler les gens à cette heure-ci, c'est tout. D'accord, surtout mais... Surtout pour demander des âneries pareilles, quoi. D'accord, mais moi, ça ne me dérange pas que vous masturbiez pas, monsieur. Mais je veux juste savoir combien elle mesure. Qu'est-ce que j'en ai à secouer de ce que vous me racontez? Allez-vous faire foutre, monsieur. Oui, je sais que vous n'en avez rien à secouer, mais c'est pas grave, monsieur. Allô. Non, non, non, mais il a raccroché. On va le rappeler, hein. Allez, hop, c'est parti. Il avait dit de plus rappeler cette heure-ci. Hein. Oh, mais non, c'est une minute plus tard. Écoutez, j'ai vraiment pas que ça à faire. J'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à la question. Je vous le demande gentiment maintenant, mais ça serait temps. Enfin, il faut vraiment arrêter parce que ça peut aller très loin. Oui, d'accord, mais moi je veux pas qu'on aille très loin, monsieur. Hein. Juste au téléphone, ça suffit. Mais vous êtes complètement taré. Là, vous allez arrêter vraiment parce que sinon, ça va. Franchement, je vais m'énerver et j'ai pas envie de m'énerver à cette heure-ci, quoi. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. D'accord, mais alors, de m'appeler. D'accord, mais répondez à ma question, monsieur. Allô. Non, il est nouveau parti. On le rappelle ou pas? Bah oui. Parce qu'il a dit d'arrêter d'appeler. Bah, ouais, mais il a pas répondu, donc en même temps. C'est vrai qu'il n'a pas répondu. Alors que ça aurait été beaucoup plus rapide qu'il réponde. Hein. Bah oui. Il aurait répondu, ça aurait duré 10 secondes. C'est l'affaire vrai. Est dépliée. Mais non, il a fallu qu'il chipote. Et non, je ne veux pas, et ça va aller loin, enfin bref. Est-ce qu'il va te proposer de t'accrocher au pare-choc? Je ne sais pas, on verra bien. Oui, excusez-moi monsieur, mais je ne comprends pas, à chaque fois nous sommes coupés. Pourquoi vous voulez pas répondre à ma question? Je ne sais même pas de quoi est-ce que vous faites partie, et vu l'heure, c'est pas une heure pour demander des questions pareilles, c'est tout. Ben oui, mais moi je vous appelle monsieur parce que j'avais envie de connaître votre réponse, c'est tout. Ouais, vous savez quoi, vous avez gagné, je vais débrancher carrément mon téléphone, comme ça je suis tranquille, bye bye. Bah attendez monsieur, vous pourriez répondre avant. Non, allez vous faire foutre. Bah monsieur, c'est quoi une taille? C'est rien. Oh, qu'est-ce qu'il est relou alors. Alors qu'il aurait répondu, ça aurait été tellement plus facile pour tout le monde. Bah oui, on aurait su. Déception totale. Bon, si vous avez d'autres numéros, il reste 25 minutes, on en appellera encore avant la fin de l'émission. Eh bien, vous envoyez ça sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Bon, alors, on a le retour maintenant. Eh, Andrea, t'es toujours là, Andrea? Andrea? Non, elle s'est étouffée dans son... Non, je pense qu'effectivement, elle s'est étouffée, oui. Bon, et avant d'appeler justement François, donc qui nous disait qu'il avait fait une soirée libertine et que bah il n'a pas vraiment connu son père, mais qui se demande s'il n'a pas croisé son père de manière un peu proche dans cette soirée libertine, on va appeler le père pour voir s'il connaît, s'il gère un peu dans les soirées libertines, histoire d'avoir un peu plus d'infos. Mais avant ça, on a Juliette, 16 ans de Paris. Bonsoir, Juliette. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Juliette? Bah ça va, ça va. Bon bah tant mieux, tant mieux. Bah écoute, c'est bien aussi. Alors, je rappelle également qu'on sera au Paris Games Week, hein, donc le 29 octobre, et que si vous voulez venir avec nous, vous pouvez vous inscrire maintenant évidemment, hein, vous appelez le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0, vous appelez le standard maintenant et puis vous passez à l'antenne avant 2h du mat pour vous filer vos deux places pour le Paris Games Week. Vous pourrez venir comme ça tester avec nous en exclu total la nouvelle PlayStation 4 et la Xbox One. Bon alors Juliette, on parlait de Kanye West tout à l'heure qui s'est déchiré son fut en plein concert. Ça m'est déjà arrivé aussi. Alors pas en plein concert, mais j'étais à la gare. Et toi, c'est quoi ta pire honte? Ma pire honte, c'est aussi une histoire de fut. En fait, j'étais dans un café avec un mec que je kiffais vraiment beaucoup. Ouais. Et au moment de me lever, j'avais mes règles. Et non, c'était pire que ça. Ah oui, c'est pire. C'était ouais. Un pantalon bien délavé, jean bien clair. Ouais. Et au moment de me lever, grosse trace de sang sur le cul et poulet sur les jambes. Ah putain, ça c'est... Tu sais que j'ai... Comment dire? J'ai de la peine pour toi, là. Parce en fait, c'était assez horrible. Non, mais c'est-à-dire que le moment de solitude... Ouais. Bah en plus, après, je suis partie aux chiottes. Et quand je suis revenu, il y avait plus personne. Oh, il est bête. Ça se fait pas, là. C'est la nature. Moi, je serais resté avec toi, Juliette. Ouais, c'est vrai. Il t'aurait aidé à éponger. Non, super. Ouais. Mais putain. Et du coup, tu n'as plus jamais de nouvelles? Non. Enfin, je le revois au collège, mais bon. Enfin, au lycée, mais bon. Et ça va, il a pas balancé le truc. Du coup, t'étais pas fiché près de tout le bahut? Non, ça va. Enfin, c'est un connard, mais pas trop, quoi. Donc, ça va encore. Ouais. Non. Ah non, mais ça c'est dur. Hein. Il y a JC aussi qui avait envoyé un message sur le Facebook. Moi, craquage de pantalon en plein service, j'étais serveur. Mika, trop magique. Toff, t'es terrible. Sandro, je t'adore. Et je t'adore trop. Polo, juste génial. Ah, juste génial. Ouais. C'est, oh, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et alors, il y a Minecraft aussi qui dit mort de rire, le mec, il n'y a pas de chance. Comme on dit, tout le monde est petit. Ah oui, ça c'était par rapport, ah oui, par rapport à Louis tout à l'heure, effectivement. Le prince Nadia qui dit oui, moi aussi, je l'avoue, j'ai déjà craqué un de mes pantalons en pleine rue. Il était beaucoup trop serré pour moi parce que j'ai un gros cul. Bon, très bien, ok, le prince Nadia. Et peut-être qu'il y a la première rencontre avec ma copine, j'ai glissé sur une plaque de verglas, la grosse honte. Kawette qui dit oh oui, j'ai eu ça plusieurs fois quand j'étais jeune, les règles ça pardonne pas. Et Ludovic qui dit moi Mickaël, j'ai craqué mon pantalon devant mon ancienne belle-mère, la honte. Et Megumi qui dit une honte aussi qui m'est arrivée en cours, c'est pendant un exposé avec une amie, elle m'a vomi dessus à cause d'une soirée arrosée. Grande classe. Quelle horreur. Ah ouais, Lilou aussi qui dit je me suis fait chier dessus par une mouette. Et Stéphanie qui dit j'ai craqué mon pantalon au bout, attends, au boulot pardon, alors que je bossais avec des mecs et que le grand patron était là, c'est la loose. Et enfin Jennifer qui dit je sais pas si tu vas le dire en direct, je crois pas, mais je m'en fous car vous déchirez grave, je vous adore. C'est Jen. Bah écoute Jen, évidemment que je vais le lire en direct, ah, pourquoi je l'aurais pas lu, voyons, et pas de problème. Et William qui dit super bonne émission, tous les soirs j'écoute. Bah merci à toi. Et Indice Simple qui dit moi je courais pour avoir mon bus. Et mon jean a éclaté entre les jambes, j'ai dû passer la journée comme ça, la grande classe. Ah ben surtout quand ça arrive le matin, c'est encore pire. Et Max il dit moi en plein cours je me suis aussi assis pardon et ça a craqué, c'est la honte. Ouais, surtout quand c'est la classe il est calme, ouais. T'entends crac. Ouais, c'est comme quand tu pètes, tu sais, ouais, exactement, tout ouais. Est calme et là tu lâches une caisse et tout le monde entend. Exactement. Bon, et il y a Léo également qui est avec nous là, ouais. D'Eure-et-Loire. Salut Léo. Salut tout le monde. Comment ça Salut. Va Bah ça va, ça va. Bon, tant mieux Léo. Alors, toi, tu racontes une galère en fait. Bah voilà, justement, qu'est-ce qui t'est arrivé comme galère, alors, raconte-nous. C'était l'année dernière, c'était le cross, tout ça. Et bah donc du coup je cours déjà et puis je me vautre en plein dans la boue, quoi. C'était horrible. Oh, ah, l'horreur. Ouais, bien trop. Crado. Et ah, puis, ouais. En plus c'était le matin, quoi, donc. Bah, c'est pas pire que l'histoire de Toff avec son calbut. Hein. Vous l'aviez entendu l'histoire du calbut? Ouais, non, pas tu l'as pas entendu Léo? Non. Et toi Juliette, tu l'as entendu l'histoire du calbut? Non, j'ai pas entendu. C'est non. Quand tu penses attendez. Attends deux secondes, Léo, ouais. Léo, attends deux secondes, il y a Stéphanie aussi dans quelques minutes là. Stéphanie. Oui. 26 ans de Limoges, comment ça va Stéphanie? Bah ça va bien et vous? Bah tranquille, t'as entendu l'histoire du calbut de Toff? Non, j'ai pas entendu. Ah, bah, avant que tu l'entendes, ouais. Combien mesures-tu? Tu me l'as déjà fait, Toff, je suis déjà passé à l'antenne. Ah, bah attends, il va regarder dans les archives. Mais tu es passé quand? Parce que c'est, ça prend un peu de temps après pour retrouver. Le mois dernier, ah, c'est oui, Stéphanie Mini sur Twitter. Ah oui, très bien, combien mesures-tu? Et moi, on me demande pas combien je mesure. Mais si... Ah oui, mais Juliette, non, c'est Juliette, parce que toi, malheureusement, t'as pas... non. C'est que les majeurs. Donc... Ah. Alors, Stéphanie. Ouais. Alors, 1m68. Combien ouais, c'est pas mal, ouais. 53 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Waouh. Et la taille de mes pantalons? 36. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Voilà. Bon, après on peut le faire aussi à Juliette, mais il n'y aura pas d'arrière-pensée, hein, voilà. Donc, juste bien pour sûr. Vérification. Et tu ne seras pas bonne. Voilà, mais on garde. Toi, va garder les archives pendant deux ans. Voilà, alors combien mesures-tu Juliette? 1m75. Combien pèses-tu? 63 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95 C. Waouh. Ouais, putain. Et c'est la taille dernier pantalon que t'as acheté? 36. Qui c'est qui a mis cette loi de merde? Ah ouais, ouais. Je comprends pourquoi elle a dit ouais, pourquoi moi je peux pas? Oui, c'est pour ça en fait. Oui, bah oui, je comprends effectivement pourquoi t'es râlé Juliette, c'est quand même c'est gâché, bah, oui. C'est dommage. Ah, t'aurais dû dire à tes parents qu'ils avaient qu'à mettre la petite graine plus vite hein. Ah bah oui, ils auraient dû mettre la petite graine un peu plus tôt, t'aurais eu plus de 18 ans du coup là. Bon ouais. Alors du coup, si vous n'aviez pas entendu cette histoire, c'est donc une histoire de Toff au scout. Ouais. Bon écoutez bien, c'est la chute évidemment le plus drôle. Alors écoutez bien, c'est comme quoi vous allez voir que vos hontes en fait, ouais. C'est moyen, alors, écoutez. C'est pour ceux qui s'en souviennent, j'ai fait les scouts. Voilà. Je voudrais bien savoir ce que tu vas dire. Ah bah, et donc j'ai fait les scouts et je faisais mon premier camp scout. Ouais, t'as fait les scouts aussi toi ou pas Grâce? Ah non, pas du tout. D'accord, bon. Bon, et donc les, tous ceux qui ont fait les scouts et qui ont fait leur premier camp vont savoir de quoi je parle, c'est que bah il y a pas de toilettes. Ouais. Et donc t'as deux possibilités, soit tu chies dehors, soit tu chies dans les bois. Ouais. Soit tu chies dans l'espèce de chiotte qui a été creusée dans le sol et qui est plein de mouches et qui est dégueulasse. Quelle horreur. Soit tu chies dans ton pantalon. Oh là là, avec les mouches. Exactement. Avec les mouches et tout là. Et donc finalement au bout d'un moment, fallait que ça sorte et donc j'ai chié dans mon fut. Et donc comme je voulais. Attends, c'est pas fini, parce que ça c'est que le début de l'histoire. Donc je suis dans mon fut et comme je voulais pas le dire, machin, je voulais pas le montrer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon caleçon et je l'ai bazardé dans la forêt. Oh, je me souviens, c'était la honte, moi-même j'avais honte, hein, c'est pour vous dire. Attends, maman. J'avais honte de mon fils. Et donc à la fin du camp, donc il y a le rassemblement. Attends une seconde, elle m'a saoulé là. Voilà. Non, j'en avais plein le cul là, cette mouche, elle m'a saoulé. Là. Donc à la fin du camp, il y a le rassemblement où t'as tous les chefs qui remettent le celui qui a été le meilleur. Oh putain, et nous voilà. Ah merde. Bon, vas-y, continue, tant pis. Donc celui qui a fait les meilleures constructions, machin, etc. Et tout à la fin, ils font tous le tour des objets trouvés. Ouais. Et donc dans les objets trouvés, il y a un mec qui finit par sortir mon ce caleçon plein de merde. Bien sûr, la merde bien sèche puisque ça a traîné. Donc le caleçon plein de merde qui a dû traîner, mais genre pendant une semaine dans les bois, tu vois. Oui, je me souviens. Et donc moi j'avais très bien reconnu le caleçon. Et donc, je fais semblant que je sais pas à qui il est, tu vois. Oh, c'est ouf. Je fais non, je sais pas à qui il est. Et là ma mère qui est venue me chercher. Et là il y avait la petite étiquette que tu sais qu'il y avait sa mère avait cousu avec marqué Christophe. Et donc mais j'avais chié dessus donc elle se voyait plus. Et donc là ma mère, qu'est-ce qu'elle trouve? Elle trouve rien de mieux à faire que dire oh mais c'est à mon fils. Voilà. Hein, vous avez vu vos hontes finalement, il y a quand même pire, non Juliette? Bah moi j'ai fait les scouts aussi et on avait des trucs dans les trous et à un moment j'ai eu des enfin après j'avais genre des énormes furoncles sur les cuisses. La grande classe, des furoncles sur les cuisses. Note, Toff il a eu ça aussi lui hein. Oui c'est vrai, mais sur la fesse. Oui sur la fesse. Ouais. Et donc Léo. Ouais. Donc t'as vu l'histoire, était sympa quand même hein. Ouais ça va là, franchement moi c'est soft à côté. Ah bah y a de quoi faire. Et Stéphanini qui est là également là sur Twitter. Steph c'est là? Oui. Bon, alors toi, 26 ans, donc du coup, c'est quoi la pire honte? Alors, moi, ça va plaire à Toff, je pense. Vas-y. Vas-y, toujours. C'était pendant un entretien d'embauche. Ouais. Donc, j'avais mis un joli petit chemisier en satin noir. Ouais. Sauf que j'étais un petit peu serré, on va dire, dedans. Ouais. Et donc, je fais l'entretien. Et là, tous les boutons. Ouais. Non. Si, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est quand j'ai remis ma veste en partant. C'est quand j'étais engagé en fait, alors que j'avais aucune compétence, j'ai pas compris. En plus pour ce poste-là, j'y connaissais rien. Voilà, c'est ça, ouais. C'est un peu ça, et quand je suis partie, que j'ai renfilé ma veste, j'ai vu que les deux premiers boutons s'étaient détachés et qu'on voyait tout mon soutif en fait. Ah, c'est bon. Quelle salope. Ouais, mais c'était une femme qui me faisait passer l'entretien, alors bon... Oh, mais si c'était Gwyn, ça a peut-être chauffé, hein. Bah peut-être parce que j'ai eu le job donc... Ou alors ça n'a peut-être pas de rapport, je sais pas, on va savoir, peut-être qu'elle était... J'ai encore pire là moi. Ouais, c'est vrai, parce que normalement une meuf hétéro qui a un entretien d'embauche avec une autre meuf et t'as la meuf qui se met genre méga over sexy, en général la première meuf qui embauche dit allez casse-toi toi, tu vas me faire de l'ombre. Oui. Sauf si les Gwyn. Alors évidemment, là ça change tout, hein, forcément. Hein. Ouais, c'est ça, je me suis posé des questions, surtout que moi j'ai refusé le poste après parce que j'avais trouvé autre chose, mais elle insistait et tout, elle me disait oui, mais tu pourras évoluer et tout après. Mais oui, tu pourras évoluer, sympa, c'est une promotion canapé. Tu vas voir, c'est très sympa, une petite promotion canapé, tu vas voir. Ouais, ok, bon, bah très bien, bah, ça va, s'il y a pire comme honte là au final. J'ai eu encore un autre truc, moi. Ah, vas-y, c'est quoi Léo? C'était genre il y a 7 ans. Ouais. Et je faisais du cheval, tout ça, et je jouais, c'était à côté du tas de fumier. Mmh. Et je me casse la gueule dans le turin, c'était horrible. Dans le tas de fumier? Ouais, mais ah, t'étais au top, toi. C'était immonde. Ah, t'as un bon champion du monde, Léo, hein, pas mal. Il y a mes parents qui viennent me rechercher, alors c'était... Quelle horreur. Oh putain, un peu comme la mère de Toff, quoi. Oui, c'est moi, c'est son calbut, je vais le laver. Ouais, mais bon, c'était il y a longtemps. Quoi, ouais, bah oui, mais lui aussi, t'inquiète pas. Heureusement, hein. D'ailleurs. Bah ouais, bon, bah Léo, Steph et Juliette, merci beaucoup. Juste, est-ce que ce serait possible d'avoir un pack fun? Bah, on a une compil, oui. filé la compil Son Explore 2014, mais on peut le mettre dans un pack, hein, après, on s'arrange. Moi aussi, ouais. Oui, on va vous filer ça, y a pas de problème. Bon, bah, bonne soirée merci. À vous, en tout cas, merci à vous d'être à l'écoute. Salut. Et à bientôt. Salut. Salut. Salut. Dans un instant, on va appeler le père, donc, de François pour voir si c'est lui qui fait les petites soirées dans les clubs libertins. Il y a Nicolas aussi qu'on va prendre dans quelques minutes, et puis on aura aussi le gagnant ou la gagnante pour le Paris Games Week. Et j'ai encore 4 places aussi pour le parc Astérix à vous offrir, hein, si vous voulez y aller. facebook.com/mikaelofficiel. Peur sur le parc. Ah oui, c'est la soirée, c'est les deux semaines qui vont faire peur. Et si vous voulez choper vos places, il y en a 4 à gagner. facebook.com/mikaelofficiel maintenant, ou alors pour appeler Sandra aussi, maintenant au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Élu meilleur DJ du monde, Hardwell, à l'instant sur Fun Radio, c'était Jumper. Allez, restez sur Fun Radio, il est 1h50, c'est la nuit sans pub. Sur Fun, il y a Xavier qui dit la pironte en charmante compagnie, sortie d'un resto à Palavas. Une mouette s'est laissée aller d'une méga chiasse liquide, genre 1 demi-litre. C'était il y a 10 ans à peu près. Ah ouais, putain, la violence. Et Angelo qui dit j'ai 16 ans, j'aurais bien sortir avec Juliette. Ah bah Juliette est célibataire ou pas? Bah elle est partie. Eh bah non, bah écoute, elle est pas célibataire, Angelo, j'imagine. Logan aussi qui dit moi je me suis déjà pris un tas de gravier. Un matin quand il faisait noir, j'en suis sorti tout noir, j'ai dû aller en cours comme ça, en père fouettard. Et Kawed qui dit quand j'étais petite, était traumatisée par ma prof de l'époque, j'ai chié dans mon fut, c'était super. Et alors Patrick qui dit sérieux, je kiffe trop de vous écouter tous les soirs, continuez comme ça, ça déchire. Mathias également qui dit je voulais faire peur à mon ex qui allait sortir de chez elle. Alors lorsque j'ai sauté devant la porte, c'était son père. Ah oui, ça c'est pas de bol effectivement. Il y a Bré qui dit vous déchirez, continuez de nous faire kiffer, bisous bisous. Merci Bré. Et enfin Kawed qui dit aussi oh putain, j'avais entendu comme j'ai perdu, est-ce que je peux me branler sur Toff? Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, tout simplement. Et puis le prince Elec, il dit acteur multicarte Toff, bon animateur et presque DJ. Il est bon de le rappeler. Ah oui, c'est vrai qu'il est effectivement presque DJ également. J'avais presque oublié également ce détail. Bon, alors, nous allons maintenant récupérer François avant de faire un point sur le top tutos d'abord. C'est vrai que je l'avais promis là. Top tutos. Alors, dans 9 minutes, on clôture le top tutos hein, pour savoir quel est l'auditeur qui aura été le plus influent avec le hashtag Mikael sur Twitter ce soir. On va commencer par le numéro 5. Storm Dreamer qui a déjà fait des apparitions en numéro 1, lui, attention. Numéro 4. Une catastrophe. C'est qui? Un drame. Let's Be Freaks. Oui. Numéro 4. Ah oui, numéro 4. Bah alors, je sais pas. Bon, bah numéro 3. Twitter's Mom numéro 1. Eh ouais, numéro 2. God Bless Holly. Et numéro 1. Alexindri. Non, attends, Alexindisso. Alexine Dissot, nouveau oui. Ça. Oui, c'est nouveau, c'est tout nouveau. Numéro 1, direct comme ça, il ou elle rentre là, rien à foutre. Numéro 1. Ah bah très bien. Bon bah en tout cas, il reste 8 minutes pour le top tweetos. On va voir comment ça va se passer. Lequel d'entre vous sera élu le meilleur auditeur de la soirée, le plus influent sur le Twitter de l'émission avec le hashtag Tout le monde Mikael. Se tient genre dans 3 tweets. Hein, donc. Ah oui, donc tout est encore jouable. Ah oui, oh, oui. Bah Lesbifu, je vais encore remonter, elle va faire une opération en fume et paf, directement elle va se retrouver première. Enfin, on verra bien. Bon. Alors François, tu nous avais appelé par rapport au club libertin. Tu nous avais dit qu'en fait tu t'étais tapé un mec et que ben en gros tu avais des ressemblances un peu particulières avec ce mec et tu te demandes, ce qui est improbable, si ça pouvait pas être ton père, sachant que tu ne le connais pas, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, alors ce que je propose, c'est que Toff l'appelle. Allons-y. Afin de voir s'il est éventuellement ouvert à des soirées libertines, s'il fait souvent des clubs libertins. Ouais, voilà. Bon, on va en rester là pour le détail dans un premier temps. Hein. On va déjà voir s'il y a des chances. S'il dit non, j'y vais jamais, j'en ai rien à foutre, j'aime pas ça. Bon, bah, il y a quand même peu de chances que ce soit ton père. Une enquête. Ouais, on va commencer on va mener l'enquête, mais petit à petit. Allez, c'est parti, okay. On y va. Il s'appelle moi, comment? Moi, je dis rien, quoi. Non, toi, tu dis rien. Il s'appelle comment ton père? Son prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bah, c'est parfait, Jean-Pierre. C'est bon. Allez, hop, on y va. Et on appellera d'autres personnes avec les bits. Allô? Oui, allô, Jean-Pierre? Oui. Oui, voilà, en fait, j'ai eu ton numéro par un ami commun qui me parlait des soirées que t'organises. Oui. Et en fait, voilà, je voulais savoir s'il y en avait une qui était prévue bientôt, parce que j'aimerais bien me joindre à la prochaine. Vous êtes déjà abonné chez nous? Non, je suis pas abonné, en fait. C'est pour ça, c'est pour ça que j'aimerais bien, vous savoir ouais, un peu comment possible, ça se passe. Vous êtes où? Comment? Moi, en fait, je suis sur Paris, mais je vais descendre justement pour la soirée. Ouais. Vous voulez descendre quand vous? Bah, je sais pas. Quand est-ce qu'il y a une soirée? Là, la prochaine date. Attendez, je vais voir mon agenda. Ouais. J'aurai le 29 novembre. Ah bah parfait, parfait, c'est une date qui m'arrange bien en plus. Ouais. Ouais, et donc ça se passe comment en fait Ça se passe comment, vous venez en couple ou seul. D'accord. Quand vous voulez. Ok. Vous payez l'entrée, vous... c'est une boîte de nuit en fait, mais vous avez déjà entendu parler de ça, non? Ouais, non, il m'en a un peu parlé, mais bon voilà, comme ça ouais. c'est pour être sûr quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Eh ben, écoutez, moi je vais vous rappeler, pour confirmer, mais normalement pour le 29 c'est bon quoi. Non, mais vous avez eu mon numéro par qui? Par un ami commun. Mais il préfère que ça reste. Ouais. Ça. Voilà. Et vous voulez vous faire quoi vous exactement? Bah moi je voudrais faire une petite soirée sympa. Je pense que je viendrai avec ma femme et puis voilà, on aimerait bien rencontrer peut-être un autre couple. Non parce qu'en fait c'est une soirée d'échangistes entre gays. Oui, mais enfin quand je dis ma femme, avec c'est... votre femme quoi. Oui, enfin on se comprend quoi. Votre mec quoi. Oui, enfin pas tout à fait. Elle est un peu transformée. Votre mec ou non quoi. Ouais voilà, enfin c'est vous pouvez pas rentrer avec votre femme tant que. Non, mais si vous avez un mec, vous pouvez rentrer, sinon non. Ah, les traves ça marche pas. Non, les femmes non, c'est que des mecs là-bas. Ah oui, c'est que mais des mecs comme moi ou non, mais la soirée, c'est que des mecs. D'accord. Ah oui, d'accord. OK. Bon bah je viendrai seul alors. D'accord. Eh ben écoutez, je vous remercie et puis je vous rappelle. Bon, c'est quand vous voulez. D'accord, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Non mais ce qui est ouf quand même, hormis le fait que voilà, c'est que Toff il est rentré dans le rôle quoi, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment t'as l'impression qu'il prenait rendez-vous hein. Ouais, c'est-à-dire qu'à la base on voulait simplement savoir si le mec faisait des soirées, l'autre il dit oui mais je vais venir. Non mais je viens avec ma femme, en fait c'est pas ma femme, mais bon bref, c'est un travelot. L'acteur studio. Ouais, j'étais dedans, j'étais dedans là. Bon François. Ouais. Bon bah Bonne soirée. Oh là là. Je crois que. Là où, Bah comment, tu nous as donné un numéro de téléphone, on a appelé, t'as bien vu sur qui on est tombé. Ah mais je sais pas, moi j'ai eu ce numéro en me disant que c'était mon père, après je sais pas. Bah nous on peut pas savoir pour quoi. Ah bah déjà on sait que ce numéro organise des soirées échangistes gays. Après de là savoir qui a décroché, si c'est papa ou pas papa, je ne sais pas. Hein. Ah mais attends, parce que moi c'était pas à Paris quoi, c'était en Espagne donc. Oui non mais je lui ai dit que j'étais à Paris mais que j'allais descendre. Et comment il sait parler français, je sais pas. Bah, je sais pas moi. Écoute, moi ce que je te conseille François, c'est de l'appeler. Et de lui dire qu'on l'a appelé. Voilà, et vu la situation, si tu veux le rappeler à la radio, c'est possible, mais plutôt dans le VinFun. Faut un mec sérieux, tu vois, faut un mec sérieux qui gère le bordel. Soit là, nous on peut pas. Voilà, nous on peut pas, on n'a pas la voix, c'est grave. Ah mais parfois c'est bien de pas savoir aussi, tu sais. Oui, parfois c'est bien de pas savoir non plus. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. Évite ta vie. Je m'en fous, je veux savoir quand même. Bah vas-y, mais... Bon bah alors, mais comme tu veux. Vas-y. Bon écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'envoyer une compile à toi aussi. C'est tout ce qu'on peut faire. Y a pas de problème. Bon François, je te renvoie chez Sandro, si tu veux passer pour l'appeler, bah y a pas de problème. Et puis tu gères ça avec elle, d'accord? Okay. Bah, je vais te passer Lilou moi direct. Courage, hein. ça va aller François. Allez, okay. bonne soirée à toi François. Tiens, pour finir, il y a Nicolas également qui est avec nous là. Nicole, t'es là? Oui. Bon, Nicolas qui nous avait appelé aussi parce qu'il avait craqué le fult, c'est ça? Ouais. Bah alors, c'est comme Kenny West, j'ai mis la photo sur le Facebook, allez voir, facebook.com. Ouais, c'est chez Mickaël officiel, puisqu'il était en plein concert, et puis bah, paf, ça y est, il a craqué le pantalon. Et comment ça s'est passé chez toi? Il s'est passé quoi exactement? Bah, moi, ce qui était un peu trop petit, j'arrive pour prendre le bus, d'un coup, je lève pour prendre la marche, et j'entends crac. Et là, le drame. Ah ouais, là, c'est la merde totale. Du coup, t'allais où toi? T'allais au bahut? Ouais, toute la journée, ouais. Tout le monde qui te dit, ah t'as pas ton déchiré, gna gna. Ouais, ou alors c'est, bah alors, ton jean est déchiré? Non, connard, j'avais pas encore vu, tiens. Ah, c'est relou, ça. Non, mais c'est le genre de réflexion qui sert à rien, ouais. Non, bah ça va encore, c'est pas le pire. Tu vois, c'est pire tout à l'heure avec Juliette qui est passée parce qu'elle a eu ses règles en plein rencard, quoi. Ça, c'est une catastrophe. À la limite, ouais, le fut qui craque, bon, ouais, c'est chiant, mais c'est rock'n'roll. Non, fille, il y a France, c'est pire. Oui, que... Non, mais oui, mais François, mais c'est pas pareil. François, il nous avait pas appelé pour ça, à la base. Non, mais enfin, voilà. Si, il a déchiré son père. Tu vois, tu peux relativiser. D'ailleurs, il y a Kawet qui s'éloigne chaud l'autre de ça, quand même. Ah, bah mais... oui, Kawet, t'as remarqué aussi, toi. Ah, mais... Et Valentin qui dit lol, son père est libertin. Oui, libertin, gay, et on n'est pas à l'abri qu'il soit passé un truc avec le fils, hein, donc c'est quand même assez dégueulasse. Donc, entre Louis et François, on était bien ce soir. Ah oui, on était pas mal, on était très très bien même. Bon, eh ben Nicolas, mais merci à toi d'être passé en tout cas. Ok, merci. Tu veux encore passer, t'as encore un truc à ajouter? Non. Non. Bah écoute, alors tu reviens quand tu veux. Bonnes vacances à toi, Nicolas. Et puis t'es chez toi ici. Merci. Tous les soirs. Salut, Nico. Ok. Bah j'écoute à peu près tous les soirs. Bah écoute, j'espère bien. Et comment ça, à peu près? C'est pas tous les soirs? Bah ça dépend si je suis en vacances ou pas. Bah je te mets un coup de pelle. Voilà, c'est pour les faux, t'écoutes pas. Avec plaisir. Salut Nicolas, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Et avant d'appeler les gagnants et de faire le top tweetos, on fait encore un petit appel, Tof? Si tu veux, moi je suis chaud. Bah écoute, ouais, avant de partir là, c'est parfait. Petit appel pour savoir si les gens sont contents de la taille de leur sexe. Exactement. Allez, bah c'est parti, on y va, on appelle maintenant. Voilà, les numéros que vous avez envoyés sur toph@funradio.fr. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la taille de votre sexe, monsieur. Visiblement, elle faisait rire. Bon, on va le rappeler, hein, ça a coupé là. Bah oui. Ah oui, oui, là, ça a coupé. Je savais pas que cette question était drôle. Mais... Bah, moi non plus. Bah écoute, on va rappeler là pour poser la question pour être sûr. Non, ça ne déroge plus, parfait. Bah. Bonsoir. Oui, excusez-moi, mais on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. 43 cm, bien sûr. Ah oui, quand même. Et est-ce que vous en êtes satisfait? Pardon? Non, je demandais si vous en étiez satisfait. Ah bah, un petit peu grand quand même. Ah oui, donc quand même, c'est vous avez un petit peu de mal avec. Oui. Oui. Bon, bah parfait. Bah, je vous remercie, monsieur. C'est tout ce que je voulais savoir. Bah, de rien. Au revoir. Oh, bah ça va, il était gentil finalement. Oui, non, il était cool. Ouais, il était plutôt cool. On a encore un dernier numéro, on le fait encore? Bah, si tu veux. Bon, dernier. C'est le chef, hein. Allez, bah vas-y, dernier. On est pas. On y va. Allez. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais connaître la taille de votre sexe. Je t'emmerde. Bon, on a bien fait. On l'a pas beaucoup. Il est tough, pas beaucoup été insulté ce soir. Ouais, c'est un peu. Non, on a bien fait. On va le rappeler. Je t'emmerde. 25, 30 cm ou 40? Ah, je sais pas, madame. C'est à vous de me dire. 52. D'accord. Et est-ce que votre mari est content de la taille de son sexe? Super content. C'est vrai? Oui. Et vous en êtes satisfaite aussi? Je sais pas à me plaindre, les voisines non plus. Ah, parce qu'ils se tapent les voisines aussi? Eh oui. Ah oui, c'est la grande mode dans le quartier. Ah oui, c'est un chaud lapin. Voilà. D'accord. Bon, ben parfait. Ben, je vous remercie, madame. Voilà, très Une bien. Une bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Ah bah on a bien fait d'appeler le dernier, tiens, voilà, tiens, comme ça on était pas mal avec ça. Eh bah voilà, c'est parfait. On va donc appeler maintenant le gagnant pour le parc Astérix et puis le gagnant pour le Paris Games Week. On aura le petit générique de fin bien entendu. Et puis bien sûr aussi le top tweetos. Allez, c'est parti. Et Andrea qui est toujours dans le standard. Hein. Et là Andrea. Non, elle s'est endormie, je pense. Ouais, je pense qu'elle s'est endormie parce qu'on l'a perdu depuis une demi-heure. Bizarre. Bon, allez, hop, c'est parti. Hello. Vous êtes sur la messagerie Virgin Mobile du 06. Ouais, on s'en fout, c'est dommage qu'il n'y ait pas le prénom. Bah tant pis pour lui. Non, bah, on va calculer sa message. Vous avez un message après le bip sonore. Une fois terminé, appuyez sur la touche dièse ou raccrochez. Allô, bonjour, c'est Mickaël. On t'appelait pour te filer tes 4 places pour le parc Astérix et... Malheureusement, tu n'as pas décroché, c'est donc perdu. Bon bah tant pis, bah les autres, si vous voulez choper vos places pour le parc Astérix, rencard sur le Facebook de l'émission, hein, tout simplement. Bah du coup, demain, on enfilera 8. Voilà, on fera 4 et 4, tout simplement. C'est pas grave, ceux qui sont déjà inscrits, on garde vos candidatures, hein, sur le Facebook, vous inquiétez pas. Bon du coup, on va appeler pour le Paris Games Week maintenant. Allez, c'est parti, Paris Games Week, on y sera en direct le 29 octobre. Allô, allô, bonjour, comment tu t'appelles? Théo. Salut Théo, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Ouais, tu t'es inscrit pour aller pour venir tester la nouvelle PS4 et la Xbox One au Paris Games Week. Ouais. Eh ben voilà, 29 octobre, tu vas venir faire l'émission avec nous. On sera là-bas en direct dès 21h. Ok, merci. Eh ben je t'en prie avec plaisir, Théo. Tu vas rester au standard, on prend toutes tes coordonnées, on va tout t'expliquer, ok? Ça marche. Salut Théo. Salut. À bientôt. Salut. Allez, reste là et puis rendez-vous le 29 surtout au Paris Games Week. D'ailleurs, faut encore aller voter aussi sur funradio.fr. Hein. Allez voter pour votre jeu vidéo de l'année. Vous allez pouvoir repartir avec une console au choix, tout simplement. Paris Games Week, donc le 29 octobre. Et puis, on va se faire un petit coup maintenant pour terminer le top tweetos. Oui. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, il y a la machine un peu de mal. Ah, la machine un peu de mal. D'accord, ok. Bah alors, peut-on un petit peu de patience. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Voilà. Et après avoir buté les deux? Eh ben, on peut y aller. Ah, parfait. Alors, numéro 5. Il y a beaucoup de changements. Ah alors, bon, bah oui, mais ça m'étonne pas. Tiens, je le savais. Alors, numéro 5. Twittersman 1. Ah bah c'est à nouveau encore une fois. Non, c'était, il était tout à l'heure, il était. Enfin, il était là, ouais, mais d'accord, ok. Numéro 4. Alors, Alex Indisso. Ok, numéro 3. Qui était premier. Ouais. Safraja. Ok, qui vient de débarquer dans le top tuto, ça n'était pas là tout à l'heure. Ouais, numéro 2. Sixième. C'est vrai, numéro 2. Storm Dreamer. Ouais, et numéro 1. Non, mais c'est sérieux, à 8 minutes de la fin, elle dégomme tout le monde, elle était quatrième. Let's be free. Putain, c'est un truc de ouf. Ah, allô. Ils ont buté les deux. Ils ont buté les deux. Eh bah très bien. Bon bah voilà, top tutos, encore une fois, Let's be free, qui est élue la meilleure auditrice de la soirée, évidemment. Hein. Bravo. Oh, rassurez-vous, elle a déjà perdu, hein, pour ceux qui écoutent comme ça depuis quelques jours d'affilée. Ce n'est pas toujours elle, même si ça l'est souvent, faut dire les choses, effectivement. Bon, allez, générique de fin, on se retrouvera demain, bien sûr, à partir de 23h, et on se met le générique maintenant. Allez, attention, 3, 4... Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Des bistes à te sucer, toi l'enculé. L'enculeur, comme le doigt. Toi l'enculé. T'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger car tu t'en donc toute la journée. Ferme ta gueule, connard. Ferme ta gueule, gros bâtard. Gros retour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui. Ils ont tué les deux. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Toi l'enculé. Toi l'enculé. Bâtard de film. Toi l'enculé. Où des listes te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux. On est des enculés. Attention Lilou. Bite. Eh ben voilà, tout simplement. Dédicacé à Cécile, si elle m'écoute. Exactement, oui, bien sûr, Cécile, donc l'auditrice qui est passée hier soir, une petite blonde, et puis la nouvelle femme de Polo. Ah, ouais. Oh, oui, il est in love. Elle n'a pas su résister à mon charme. Il résistait, il n'a pas su résister à son charme. Bon, bah merci en tout cas à vous d'avoir été là ce soir. Plus nombreux que d'habitude, évidemment, puisque c'est les vacances pour la majorité d'entre vous. Ouais. Donc vous avez pu écouter l'émission jusqu'au bout. Et vous avez bien kiffé le chéri, je peux te faire cocu. On le remettra peut-être demain, du coup, puisque vous l'aviez bien aimé. Demain, on mettra aussi, demain, tout à l'heure, à partir de 23h, on se fera également le jeu de la séduction, enfin de la rupture plutôt. Oui, de la rupture, oui. Le jeu de la rupture. Donc si vous voulez jouer avec nous, eh ben, on jouera demain dès 23h avec des places notamment à gagner pour le parc Astérix. On se retrouve demain dès 23h sur Fun Radio. 23h, 2h. Fuck Mickaël Nolimi. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et puis là, c'est notre ami JB qui débarque. Comment ça va? Eh ben, il va bien, et toi? Ça va, ça va. J'ai vu que sur Facebook, vous offriez Allo 4. Exactement. Moi, cette nuit, j'offre à l'huile 4. Il y a eu préméditation sur cette vanne. Tu sais que à ta place, juste avant le début d'émission, il y avait Jérôme qui était là. Exactement. Il était là à 23h. Ça, c'est l'influx, ça. Ouais. Le talent. Et justement, il nous parlait. Donc Jérôme, de toi, le boss de l'émission, le boss de la radio qui était là à la place de JB. Hein. Tu es assis sur sa chaise. Exactement. Je me disais, ça sent bon. Ouais. Quel susbite alors celui-là. Oh là là, parce que lui, il nous parlait pas en termes comme ça de toi. Hein, Allô, la vanne d'Amélie. Parce qu'il est passé pour le Vinfe, il est passé pour nous, et puis je dis, à tout à l'heure alors. Il dit, pourquoi faire? Je dis, pour JB. Il m'a dit, non, je sais que c'est un professionnel, il n'a pas besoin de moi. Ah. Je savais. Tu me mets le sourire là. T'as vu, hein. Bon, qu'est-ce qui va se passer cette nuit alors? Bah des vannes. Des vannes en veux-tu, en voilà. Voilà, et puis du son dance floor avant de retrouver... On va écouter Dubs. La France, la France va écouter Dubs. Exactement, oui, tout à fait. Bon, Bruno, tout à l'heure, à partir de 6h, évidemment. Hein. Oui, bien sûr, je suis là déjà. Quel mauvais imitateur. Tu es le plus mauvais imitateur de Bruno. C'est clair. Et on va se quitter avec toi. On devrait lancer un concours comme ça. Et on le mettrait là. L'imitateur de Bruno. Ouais, le meilleur. Ah ouais, on pourrait faire un petit concours. Ouais. C'est vrai. Bah, si vous pensez pouvoir imiter Bruno Guillon quand il rigole, n'hésitez pas à vous enregistrer, vous m'envoyez ça à mikl@funradio.fr. Et on fera ça sans problème. Voilà. Et si vous pensez pouvoir faire un battle face à JB de Van, et Dieu sait que là, c'est la porte ouverte à gagner tous les cadeaux possibles. Donc vous pouvez jouer aussi, évidemment, n'hésitez surtout pas. Vous passerez une nuit avec JB. Exactement, exactement. Et on me l'a. Oui, qu'est-ce que tu voulais mettre comme son le premier? Ah, je me suis dit, non, ce que tu veux. C'est pas, on n'écoute pas Boss avec. Both avec Boss, c'est vrai qu'on me l'avait demandé tout à l'heure, donc on va le mettre. Et puis. Et puis voilà, bah écoute, pas de problème, hein, donc si Lucas le... On peut mettre Calvin Harris aussi. Hein. Ouais, on pourrait, ouais, mais donc si Lucas le sous-chef de la radio, puisqu'il y avait Jérôme évidemment, ouais. Donc 8 en dessous, écoute, donc il y avait Jason Derulo normalement et... Non, il y avait Calvin Harris alors. Hein. Calvin Harris et JB m'a dit non, Calvin Harris en fait ouais. J'aime pas. Donc si tu veux de ne pas le mettre, ça m'arrange. Ouais. Et ça, je trouve ça pas bien. Ouais. Tu vois, je trouve ça pas bien. Je suis déçu de ce que tu dis. De jouer avec la proie comme ça, c'est pas bien. Non mais ça écoute, pas. Voilà, un auditeur m'a demandé le son de Bose, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'avait plus mis, donc on va se le mettre maintenant. Bon, pas que je me justifie, je m'en branle, mais on va le mettre maintenant. Bon, après il y a Calvin Harris. Voilà, bah parfait. Ah bon? Oui. Oui, je respecte. C'est bien, c'est nouveau ça.